Harry et Rihanna sur Fun Radio. Oui, c'est toujours numéro 1 de l'Eurodance 25 depuis des semaines. Mais en même temps, voilà, c'est normal. C'est deux grandes stars dans un seul morceau qui domine tout le monde. C'est un peu comme si Alice de Lovin' Fun et moi-même, on faisait une petite émission sur TF1. Je pense qu'on serait numéro 1. Je sais pas ce que t'en penses, Karel, mais non, le concept. Moi, je pense que t'es très amoureux d'Alice. Ouais. J'ai remarqué les petits tweets de temps en temps. Ça ne me déplaît pas. Ah, voilà, on y arrive. Ah, je suis heureux parce qu'en plus, je sais qu'elle dit toujours la vérité, Alice. Elle est donc voilà, j'ai pas m'enflammer, mais je pars de cette station ce soir avec une énorme confiance en moi. Eh ben tu peux, voilà. A priori tu peux. Merci bon beaucoup Greg. Je vous laisse bosser, je vous écoute dans la voiture, je rentre à la maison. Ça marche, gros bisous. Salut. Allez, bonne soirée. Salut Greg, et nous on est parti. Dans Lovin' Fun, il y a une équipe venue des quatre coins de la France pour vous écouter et vous conseiller. Doc, le médecin le plus connu de Franche-Comté. Ouais, j'ai même ma statue sur une place à Besançon et j'ai reçu le stéthoscope d'or remis par le maire de la ville. Karel de Bretagne, avec du sang de viking. Ouais, je suis un guerrier. Celui qui dit qu'il pleut tout le temps en Bretagne, je lui fais bouffer ses crêpes par le nez. Alice, la plus grosse quiche de Lorraine. Ah mais moi la quiche, mais j'adore ça, hein. Lovin' Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Et bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, c'est dimanche soir, et oui, on a la pêche en ce dimanche soir, parce que c'est vrai que c'est une journée pour pas mal qui est assez déprimante. Bah nous, on se fait kiffer. Pourquoi justement. Mais tu sais, le dimanche soir, tu as toujours eu la petite déprime du dimanche, oui, avant de commencer à reprendre ta semaine le lundi, tu vois. Eh ben nous, on est en pleine forme et on va vous régaler toute la soirée sur Fun Radio. N'hésitez pas, si vous avez un truc à dire, on fait une vraie émission libre antenne chaque soir dans cette émission. Vous pouvez venir demander des conseils, un petit truc qui va pas chez vous. Vous voulez venir en parler, vous voulez apporter un témoignage, réagir à tout ce qui va se passer pendant l'émission. 01 42 48 5000. Je m'appelle Karel, toute une équipe est oui. avec vous tous les soirs. Et quelle équipe? Il est là. Magnifique. Ah bah oui, il est là, c'est Doc. Ah oui, voilà, c'est moi. Voilà, c'est moi. Et maintenant, je parle de moi. Bah, t'as raison Doc, ça t'as passé un bon week-end Doc, qu'est-ce que t'as fait toi ce week-end Je me suis reposé tranquillement, j'ai bossé un peu le samedi matin parce qu'il faut quand même se lâcher. On s'en fout, voilà. je veux dire comment va Katoche, ah t'as ouais, fait des trucs ça. Avec elle. Très très bien, le week-end entier avec elle, tout va bien. D'accord, ok, on n'en saura pas plus mais à mon avis, vu qu'elle est un petit peu fatiguée, c'est qu'il a dû donner un du zboub. Je donne de mon corps. Alice, bien sûr, est avec nous. Salut. Bonsoir Alice. Alice qui est rentrée chez elle. Ouais, exactement. J'ai été profiter un peu de mes Lorrains. Exactement. Voilà, ça s'est très bien passé. T'es sortie, t'as fait la fête. Ouais, j'ai fait la fête. Bah, comme toujours, avec les Lorrains, on fait la fête. Hein. Et t'as conduit? Bah, écoute, je peux pas encore tout le temps conduire non-stop et faire la fête. Évidemment, hein. Avec ta mère. Oui, bien sûr, accompagné. Je serai le futur Sam. Ah oui, bah ça, on y compte bien parce que nous, on veut faire des grosses soirées et on veut que tu conduises, Alice. Kassim, bien sûr, est avec nous. Kassim Larnac, qui a déménagé ce week-end. Ah putain, une horreur. Voilà. Je suis content de vous retrouver parce que j'étais pas dispo. Je suis désolé. Ouais, J'avais un rendez-vous. Il y avait le fils du Doc qui m'avait dit qu'il viendrait. Ce bâtard, il est même pas venu. Quoi. Ça ne m'étonne pas de lui. Godefroy est à l'arrêt. Il faut l'appeler tout le temps. Ça va mon Godefroy? Ça va, nickel. Est-ce que tu peux nous présenter le standard Godefroy? Eh oui, il y a Guillaume et Allison. Voilà. Ça va le standard, sans déconner. On vous réveille peut-être. Non, ça va super. Non, il a vraiment sourire. Parfait, alors. Ouais, putain. Alors, on va accueillir l'auditeur du soir. C'est l'auditeur qui va faire l'émission avec nous, comme chaque soir. Et il s'appelle Hugo. Bonsoir Hugo. Salut Karel, salut Doc, salut Alice, salut Katine, ça va? Salut. Ça va bien. Hugo, t'as 16 ans, t'es à Bar-le-Duc, tu vas être notre auditeur du soir. Ça veut dire que tu vas faire de la radio avec nous là pendant les deux heures. Et il paraît que voilà, toi tu aimes bien te balader en slibard dans ta piole. Est-ce que tu es actuellement en slip, Hugo? Ah non, bah là je suis dehors donc non. Ah mais pourquoi t'es dehors là? Ah parce qu'il y a mes parents qui regardent la télé. D'accord, donc tu vas rester dehors comme ça pendant deux heures. Bon, bah, s'il faut, oui. On annonce de la flotte à Bar-le-Duc, hein. Je te le dis, mon pote. Il est prêt à tout. Tu vas pouvoir faire de la libre antenne avec nous, mon Hugo. Tu restes ici. On va accueillir Léo, 19 ans, de Clermont-Ferrand. Bonsoir, Léo. Salut. Salut à tous. Salut, Léo. Salut, Karel. Salut, Alice. Salut, Léo. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Sauf que, bah, il m'arrive une petite tuile, en fait. Qu'est-ce qui se passe? La tuile, c'est que ce week-end, en fait, j'ai eu un petit souci. Et j'ai oublié mon... Enfin, j'ai perdu mon fut en boîte, en fait. C'est quoi, voilà. C'est quoi le souci? Il fait... Voilà. J'ai dû rentrer en calbar. Non, mais attends, c'est quoi le souci avec ton pantalon? Non, mais alors, en fait, je vais vous raconter, parce que, bon, c'est un peu spécial. C'est pas de ma faute, hein. C'était quand? Bon, c'était hier soir? Ouais, c'était hier soir, ouais. Bon, j'étais pas sous, hein. J'étais blue night, mais... En fait, il s'est avéré que j'ai perdu un pari. Et puis, en fait, je devais draguer une fille, et si j'y arrivais pas, en fait, je devais me dénuder légèrement, on va dire. Enlever ton fut, quoi. Exactement, en montant sur le podium du DJ, en fait. Donc, d'accord. Tu as enlevé ton pantalon. Ah, mais Clermont-Ferrand, c'est the place to be. Hein. C'est là que tout se passe. Hein. Vous voulez faire une belle soirée. Mais c'est la campagne, en fait, c'est un peu ça le truc. Bah, bien sûr, c'est là que sont les meilleures soirées. Et alors, Léo, dont tu t'es retrouvé en slibar, c'est ça? Donc, en fait, ouais, bah, du coup, bah, j'ai pas réussi à serrer cette nana, hein, bah, forcément. Ouais. De toute façon, c'était assuré d'avance. Hein. Voilà. Allez, tu es un habitué des râteaux. Exactement, mais c'est un peu ça en ce moment. Hein. Mais bon, tu fais. Mais comme dit souvent Doc, on ne perd rien à tenter, hein, Doc. Oui, oui, non, il a juste perdu son pantalon. Là. Ah, mais il faut tenter, au bout d'un moment. Il est, il est où le pantalon? Eh ben, c'est bien ça le souci, en fait. C'est qu'il y a deux gros videurs, et ils m'ont sauté dessus, et ben, en fait, j'ai pas su quoi faire, ils m'ont mis dehors. Et j'ai dû rentrer en calbar chez moi. Non, okay, voilà. Ah, parce que le pantalon est resté dans la boîte. C'est pas cool, ça. D'accord. C'est quoi le nom de la boîte? On va les appeler. Le Middle Night. Le Middle Night. On peut appeler le Middle Night, là, tout de suite, là. Ils sont. Urgent, on cherche pantalon. Bien sûr, attends. C'est-à-dire que, comme ils t'ont vu à poil, ils se sont dit, les videurs, le mec est complètement fracasse. On va le vider. Sauf que, t'avais ton pantalon à l'intérieur. J'imagine que t'as tenté de leur expliquer, mais bon, en slibard, tu peux toujours y aller. Bah en fait, j'ai même pas tenté parce que j'étais un peu trop sous, du coup. Ah, d'accord. Bah voilà, donc, c'est un beau pantalon, j'espère, parce que là. Ouais, c'est un chino beige, quoi. D'accord. On appelle tout de suite, c'est parti. On appelle. Appelé, c'est parti. La boîte est fermée. Ah, la boîte est fermée. Ouais. Non, sans déconner. Là. Vous avez essayé d'appeler quand même On va essayer. On est c'est des pauvres types, clairement, ils ferment tout le temps. Mais non, mais non, dis pas ça, sans déconner. Tu dis ça parce que t'as perdu ton pantalon. Ah oui. Ah ouais, t'étais quand même chez eux en boîte. Hein. Bah oui, je leur en veux un peu. Toi, je suis sûr que t'es le genre de mec à te retrouver avec une bite sur le front de temps en temps. Non, ou à mettre ma bite sur le front des gens. Putain. Le Middle Night, ça décroche ou pas? Non. On les appelle, c'est parti. Bon, allez, on va essayer de retrouver ce magnifique pantalon. De quelle couleur tu nous as dit? Beige. Il est beige. Il est beige. Et ben, ce sera pour demain. Parce que, il décroche pas aujourd'hui. Je suis désolé, mon Léo. Mais, non, mais, de toute façon, tu sais quoi? Foutu pour foutu. Je pense que t'avais rien à perdre. Il fallait mieux que tu t'endormes. Et que tu nous appelles ce soir pour passer un beau moment avec nous. C'est pas ça qui est mieux. Hein, mais c'est quand les soldes? Parce que bon, mon chino, vous peut-être j'en achète un, quoi. Eh ben, t'attends janvier. Vous êtes sur la messagerie du. Allô? Du Middle Night. Bienvenue dans ta boîte. Léo, tu reviens quand tu veux, mon poteau. Je fais une grosse bise. Et oui. Si jamais d'aventure, on peut essayer de les appeler, moi, ça me ferait bien délirer cette semaine, d'accord? Ah, mais c'est sûr, il n'y a pas de problème. Salut, mon Léo. Salut, salut. Ciao, ciao, à toi. Et Guillaume, 21 ans de Toulouse, est avec nous. Bonsoir, Guillaume. Oh, salut toute l'équipe. Salut, comment Guillaume. Ça va bien. T'as passé un bon week-end, toi aussi? Ah, ouais, super. Tranquille. Génial. T'appelles pourquoi, toi? Mais en fait, moi, j'appelle parce que quand je fais l'amour, j'adore me regarder dans le miroir. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal, ça. Moi, j'ai déjà fait une fois aussi. J'aime bien, plutôt bien. On va en parler. Des petites choses comme ça qui nous intéressent et qui vous font beaucoup de plaisir. En attendant, c'est Martin Garrix. This was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. testify, screaming the holy lie. You bring testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love, name of love. In the name of love, name of love. In the name of la superstar mondiale Fun Radio, Martin Garrix. Love You Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. On écoutera Black M aussi tout à l'heure dans l'émission. Black M, je suis chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez Fun. Du matin jusqu'au soir. Black M, je suis chez moi tout à l'heure dans l'émission. 01 42 48 5000, c'est le numéro pour nous appeler. Et on est avec Guillaume là. Guillaume, 21 ans de Toulouse. Bonsoir Guillaume. Ouais, salut, salut toute l'équipe. Salut mon salut. Guillaume. Alors Guillaume, tu nous appelles pourquoi là? Bah en fait, moi je vous appelle parce que quand je fais l'amour avec des filles, quand je les ramène à la maison, oui. J'adore regarder dans un miroir. Qu'est-ce que tu regardes dans le miroir? Dans le miroir. Pas, je regarde mon corps de rêve, mes muscles. Ça le va, corps oui. De la fille avec qui je fais l'amour et tout. Ah, ça, c'est un bonheur. Tu es comment physiquement, ton corps de rêve? Ça va, je suis svelte et lancé, tranquille. Ah, on voit mes petits abdos, tout ça. Ok, ok, d'accord. Et alors, c'est un kiff, quoi, que tu as, en fait. C'est... Ouais, c'est ça. C'est à chaque fois que je fais l'amour avec une fille, quand je la ramène dans mon appart, faut toujours que je place mon miroir à un endroit bien précis. Elles savent, les filles, que tu regardes dans non, le miroir? Non, justement, elles le savent pas. Ah, ouais. Tu allais dans une chambre d'hôtel, une fois, t'avais des miroirs au plafond et ouais, tout. C'est quoi. Ça, comme ça, tu pouvais voir. Ouais. Et il est où le miroir? Il est latéral, sur le mur? Ça dépend. Des fois, il est sur le côté, des fois devant, derrière, dans les angles. Ouais, je change en fonction de, des délires que j'ai sur le moment. Ah, c'est quoi tes petits délires en dehors du miroir? Bah, je sais pas. Non, franchement, le miroir, je trouve que c'est le mieux. Après, j'aime bien regarder un petit peu tout quand tu fais l'amour avec ta meuf. Enfin, pas avec ta meuf, mais avec les filles que tu ramènes à ton appart. Tu parles souvent des filles que tu ramènes dans ton appart, t'en as beaucoup? Je sais pas, je les compte pas, je les compte plus. Ah, d'accord. Et elles réagissent comment quand elles voient le miroir? Bah, elles le savent pas. Enfin, d'accord. Pas c'est... Grave, en fait. Alors, pour aller un peu plus loin, ça t'excite énormément, c'est ça? Ouais, ça monte. C'est pour ça que tu le fais. Ouais. Marc, il y en a qui regardent des films pour nous, toi tu te regardes. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi pas, franchement. Guillaume, qu'est-ce que tu veux savoir par rapport à ça? Bah, j'aimerais bien savoir si tout le monde fait pareil ou s'il y a d'autres personnes qui font la même chose. Tout le monde se regarde dans le miroir tous les jours. Ah, mais Doc a dit non, en faisant l'amour. J'ai déjà fait une fois en regardant comme ça, et c'est vrai qu'il y a un côté vachement excitant parce que t'as l'impression de faire partie de ton film, quoi. C'est ouf. Ouais. Bah, c'est vrai. Après, c'est les filles, je sais pas, faut pas leur cacher, non? Faut leur dire oui. Ouais, parce que. Ah, bon, attends, c'est dégueulasse. Ouais, en même temps, il y a le miroir. Enfin, tant que c'est pas filmé, c'est bon. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est si tu mets une caméra dans ton miroir que ça devient malsain, mon pote. Hein, Guillaume? Alice, tu te regardes des fois dans le miroir en train de faire l'amour? Non, c'est pas spécialement mon kiff, mais c'est vrai que mon ex, lui, il avait carrément tout un mur, qu'un miroir, avec le plafond aussi. Donc c'est hyper particulier. Ah ouais, donc voilà, c'est ça. Ah, putain, c'est chaud. Donc là. Ouais, par contre, c'est hyper particulier des moments, ouais. Mais ouais, tu vois ton cul dans toutes les positions. Bah, c'est ça, quoi. De derrière, de machin. Ouais, donc, c'est hyper particulier. Et les choses disgracieuses aussi, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que, enfin, tout le monde passe pas super bien la caméra, quoi. C'est clair. Bah oui, non. Guillaume, tu sais quoi? Envoie-nous une petite vidéo, hein, et on jugera, d'accord, Guillaume? Vas-y, ok, pas de soucis, ça marche. Et t'inquiète pas, je sais que Kassim, il fait pire avec ses meufs. Qu'est-ce que tu fais, toi, Kassim? Ouais, moi, une fois, j'ai fait une partout, c'était dans les labyrinthes à miroir, qu'il y a dans les fêtes foraines. Ah ouais, c'était génial, on s'est éclaté. C'est pour ça. Comme il y a le miroir, ils pensaient qu'ils étaient à plusieurs, mais en fait, ils étaient deux tout seuls. Bien sûr, et t'étais tout seul, Kassim. Tu faisais l'amour à toi-même. Ah merde, putain, je me disais, il était poilu. Eh bah oui. Guillaume, tu reviens quand tu veux, on va t'envoyer le pack Love in Fun. Dites-nous si vous arrivez de faire des trucs un

continent africain. Le message reste le même. Je suis chez moi, je suis un être humain comme toi. Éternellement insatisfait. Black M sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Tous les soirs, en direct et filmé. On est la seule émission de Libre Antenne, hein, filmée tous les soirs entre 20h et 22h. Je vous invite à vous connecter sur le site de funradio.fr pour voir nos si beaux visages. Vraiment. Ah oui. Surtout en ce dimanche. Hein, le dimanche, c'est vraiment le jour où t'es au top, quoi. Moi, je suis venu en pyjama, tranquille. Moi aussi. Ah, cool. Profitez bien de votre soir, en tout cas, et merci d'être avec nous. Love in Fun. Je m'appelle Karel, Doc est là. Oui, je suis Alice. Là. Salut. Et on va accueillir Marine. Marine, 23 ans de Bordeaux. T'es là, Marine ? Ouais, salut. Salut, Marine. Marine, salut. Tu sais que dans cette émission, on aime bien prendre de vos nouvelles. T'es passée dans l'émission il n'y a pas longtemps. Avec toi, on avait fait un sexy chocolat. C'est ça. Est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce qui s'était passé ? Enfin, sans trop en dire, parce qu'on va réécouter un extrait. Pourquoi tu voulais qu'on appelle ton mec ? Du coup, je l'avais rappelé pour du coup tester sa fidélité, parce que j'avais des doutes et j'étais partie en vacances une semaine avant. Ouais. Et donc, quand je suis revenue, il était plus distant. Donc j'ai voulu du coup le tester à la radio. Et on va écouter ce que ça a donné. Derrière, on débrief. Écoutez. Oh, allô. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. C'est la chocolaterie Sexy Chocolat. Vincent Lagaule au téléphone. Je me permets de vous appeler en fait parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais, c'est je vous dérange pas ? Bah non, j'étais d'accord. En train de conduire là, mais je viens de m'arrêter. Ok, super. Alors en fait, on est une chocolaterie qui vient d'ouvrir à Bordeaux. On est ouvert du dimanche au jeudi, voilà. Et là, en fait, notre patron nous a parlé d'une promotion en fait pour se faire connaître, puisqu'on est une nouvelle entreprise. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on offre des coffrets chocolat à quelques personnes, dont vous. Et ce serait pour offrir à la personne de votre choix, puisque nous, on fait des coffrets pour amoureux. Des coffrets assez érotiques. C'est une arnaque, ce truc-là. Pas du tout. Alors, pas du tout. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Je sais que ça ressemble à une arnaque, mais pas du tout. Au contraire, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est prendre les coordonnées de la personne à qui vous voulez faire plaisir. En fait, c'est comme le fameux bouquet de fleurs qu'on peut envoyer à sa chérie, quoi. Sauf que là, ce sont des coffrets, en fait, des coffrets chocolat. En plus, la valeur du coffret que vous ne paierez pas, c'est une centaine d'euros. Donc, vous voyez que, pour le coup, c'est vraiment pas une arnaque. On va rien vous demander. Vous avez juste à nous donner le prénom de votre chérie, de votre femme, et nous on va envoyer le coffret à la personne de votre cœur. Des choses, tu l'as eu mon numéro. Alors c'est très simple. Je suis très clair avec ça. Ce qu'on a, c'est des listes en fait. Vous savez que nous fournissent Free, etc. D'autres opérateurs téléphoniques, Bouygues, SFR. Voilà, et en fait, on appelle des gens comme ça, on est sûr d'avoir des Bordelais, des Bordelaises qui seraient susceptibles de venir après dans notre boutique. Vous avez une petite amie ? Ouais. Est-ce que je peux lui envoyer un coffret ? Ça coûte rien, franchement, vous... Enfin, moi, je vous dis ça, moi, je suis nouveau dans la boîte, moi, je l'aurais fait. Okay. Hein. Ça coûte rien. Bon, on va faire ça. Okay. Ouais, ça me tente bien, ton truc. Bon, et comment s'appelle la personne qui voudriez faire plaisir, coffret érotique ? Elsa, d'accord, ok. Ouais. Ah, ça c'est super, en plus ça tombe bien parce que du coup j'en avais un top. Vous voulez mettre un petit message ? Ouais, merci pour la semaine qu'on a passée ensemble. Ah, ça sent une bonne petite semaine ça. Ouais. Ah, moi aussi j'étais en vacances la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai pu baiser, putain. Vous aussi ? C'est bien ? Ah ouais, franchement ouais, je me suis régalé, ouais. Bah, bien sûr. Ouais, avec une petite là qui vient d'arriver à Bordeaux dans l'entreprise, hein, c'est top. Ouais, ça va, c'est vous l'avez rencontré depuis combien de temps vous, Thierry ? Comment ? Vous l'avez rencontré depuis combien de temps, votre chérie ? Ouais, c'est la semaine dernière. Là, d'accord. Ok, d'accord. Bon, c'est votre copine officielle, hein, je fasse pas de... Bah non, en fait, j'ai une copine, mais faut pas... Ah ouais ? Faites gaffe. Ok, d'accord. Comptez, alors, Sexy Chocolat, c'est la confiance avant tout. Vous pouvez nous faire confiance. Jamais on ira déclarer quoi que ce soit à qui que ce soit, d'accord ? Bah, j'espère pour vous. Je vais vous passer, vous allez le vérifier. De toute façon, je vous passe ma patronne. Donc, elle va être claire avec vous, hein. C'est confidentialité oblige. Je vous la passe. Okay. Elle s'appelle Marine. Je vous la passe. D'accord. Très bien. Je vous en prie. Marine? Allô? Oui, bonjour. Ouais, c'est vraiment un gros connard. Putain, je savais que je pouvais pas te faire confiance. Mais, putain. Mais vas-y, sérieuse de quoi? Mais vas-y, je savais que tu me faisais une blague, t'es c'est chelou. Vraiment, toi. Bâtard. Franchement, je savais que je... Mais explique, explique Marine. Explique à Marine, à Vincent qu'il est quand même, enfin à Thomas pardon, qu'il est en direct sur Fun Radio. Mais vas-y, allez vous faire enculer, ah, oui. Putain, bande de bâtards. Bah. Ah oui. Ah bah ça c'est l'effet surprise, hein. Ouais. Ah, on a gagné un nouvel auditeur. Ah ouais. Marine. Bon. Tu veux qu'on le rappelle, non? Marine, on va le rappeler. Tu vas parler, d'accord? Ok. Ok. Bon, en attendant, tu voulais te fixer là, je crois que. Hein ouais, j'avais des doutes, mais voilà. T'as, je suis vraiment désolé pour toi, Marine. Ouais. C'est possible. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Top. Bah oui. Ouais. Bah oui. Bah oui. Putain, il rappelle même pas, putain. Non. Non. Bah écoute, non, il s'est fait piéger gravement. Donc... Après, on peut comprendre qu'il veuille pas passer à l'antenne. Qu'est-ce que tu vas décider, Marine? Bah là, c'est fini. Hein. Ah. Déjà que ça fait 4 mois, donc bon, bah, j'avais des doutes, mais bon, grâce à vous, c'est... Ouais, tu sais que pendant une semaine, il a été avec cette fille-là et il s'est passé des trucs, quoi. Ouais. Tu veux lui laisser un message sur son répondeur? Quoi? Tu veux lui laisser un message sur son répondeur? Non, c'est bon, il en vaut pas la peine. Ah bon? Non, mais si tu veux, on rappelle, et puis tu laisses un message. Hein. Tu dis ce que tu penses, tu dis ce que t'as sur le cœur. Si t'as envie de te lâcher, moi, enfin, il nous a insultés. allez, on l'appelle, tu donnes un message. Ok. Laisse un petit message. Je voulais pas partir fâché. Non, mais bon. Voilà. J'ai l'impression qu'il était quand même colère. Ah bah là. Il était colère. Ouais. Sinon, tu lui parles. Un peu colère. S'il décroche. J'aime pas les gens colériques. C'est vrai. Ça sert à rien. Bonjour, vous êtes bien. Voilà, laisse le message, c'est bon. Voilà. Bon, laissez-moi un message ainsi que le motif de votre appel et je vous rappellerai dès que j'en aurai pris connaissance. Il est colère. Merci, il déconne pas. Hein. Il est colère, Eric. Vas-y, Marie. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais, bah, c'est moi. Bah, je suis déçue de toi. Je savais que je pouvais pas avoir confiance en toi. T'as profité de la semaine que je sois partie pour me trahir. En tout cas, sache que toi et moi, c'est fini. Et je pleure en entendant parler de toi. Salut. À bientôt. Le message est clair. Voilà, ah ouais. ça a le mérite d'être clair. Marine, je suis content d'un côté que tu continues pas avec un mec qui se fout de ta gueule. Quoi, bah, tu vois, grave. Ouais, je suis déçu quand même. Bah, je comprends, c'est normal d'être déçu. Mais finalement, vaut mieux être déçu au bout de 4 mois qu'au bout de 3 ans. Hein. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Marine, on t'embrasse fort. Ouais, moi aussi. Et tu nous tiens au courant, d'accord? Ok, ça on aime bien savoir comment Salut. Ça se passe après. Gros bisous, Marine. Ouais. Salut. Bah oui, la preuve, on aime bien savoir et on est quelques jours plus tard et on est de retour avec Marine qui a un petit peu plus la pêche que la dernière fois quand même, ouais, quand hein, Marine. Ouais, alors, un peu, ouais. Oh, bof, un peu bof, bof, quand t'as réécouté, ça t'a fait bizarre, non? Ah bah ouais, la suite alors. Ouais, donc du coup, bah après ça, on s'est rappelé. Ouais. C'est lui qui a pas apprécié que je le piège à la radio. Oui, bah ça c'est bah, classique. Donc, enfin, bon, il t'a piégé autrement, lui. Hein. Oui, voilà, donc on s'est engueulé. Il m'a avoué que donc il avait passé la semaine avec cette fameuse Elsa là. Oui. Et donc du coup on a parlé, je lui ai dit que je voulais plus entendre parler de lui, que voilà, il en valait pas la peine et que c'était fini. Il a essayé de revenir dans la semaine auprès de moi, mais je l'ai envoyé chier. Un gros bâtard. Les mecs aiment pas être largués, même quand ils ont vraiment tout fait pour. Ah ouais, non mais la lui, fierté fait pas. Que je veux pas être largué. Bah c'est dur hein, en même temps hein, quand tu te prends ça dans ta gueule. On l'a tellement affiché quoi le mec. Bah c'est encore plus dur pour elle. Hein. Ah bah bien sûr, coup, ouais, bien sûr. Clairement bah, plus dur pour elle. Oui. Surtout pour toi Marine, tu es célibataire, ouais. Tu cherches un homme. Bah ouais du coup maintenant oui. Ah ouais non va bah, peut-être attendre quand même hein, de parce que bon il faut cicatriser. Enfin t'as été quand même sans être jalouse. Tu as été attentive et tu t'es pas laissée enfumer, c'est pas mal. Non, mais je pense que je vais rester un peu toute seule. Ouais. Ça, c'est très bien. Pour préparer l'avenir, ouais. C'est bien. C'est important quand on vient de se faire larguer ou quand on largue quelqu'un, de se retrouver un peu seul. Oui, parce qu'apprendre à être seul, c'est apprendre à être avec l'autre. Si tu apprends à être avec seul un certain temps, quand tu es avec quelqu'un, la vie est plus facile. Voilà. Putain, la dernière personne que j'ai entendu parler comme ça, c'était le Dalai Lama. Sans déconner, t'es tellement là maintenant. Non, mais bientôt, sans déconner. Bientôt, je le remplace. Tu sais. Daila Doc. C'est Daila Doc tous les soirs. Je chante Daila. Daila. Excusez-nous, mais. Tiens, mais je sais qu'on fait pas de la télé, mais la gueule que t'as tirée, Doc, et cette petite danse là. Tu m'as tué, tu viens de me tuer. Je suis désolé, Marine. C'est fait pour. Voilà, je. Non. j'ai failli m'étouffer, j'ai failli mourir, Marine. Je te fais des gros bisous en tout cas, ouais. J'espère que ça va aller mieux. Oui, on t'embrasse fort, Marine. Ouais. Salut à toi. Salut. Bisous, salut. Salut ma chérie. Virginie est avec nous, 26 ans de Lyon. Bonsoir Virginie. Bonsoir Karel, bonsoir le Doc, bonsoir Alice. Salut. Bonsoir Salut. Virginie. Eh, tu as oublié de dire bonsoir à Hugo, notre auditeur du soir. Pardon, bonsoir Hugo. Ah, je préfère ça. Eh, tout à l'heure, t'étais dehors, Hugo, t'es où là maintenant? Bah là, je suis sur le paillasson. Ah oui. Est-ce que t'es assis au moins? Bah oui. Ah bon, si t'es assis, ça va. D'accord. Je rappelle que Hugo a décidé de faire l'émission avec nous pendant les deux heures, mais dehors. Voilà. Il veut pas que ses parents soient à côté. C'est ça. C'est un concept. Actuellement sur le paillasson. Et Virginie, toi ce soir, tu nous appelles pourquoi? Bah en fait, je vous appelle parce que je préfère coucher avec les mecs étrangers que les mecs français. D'accord. Ah oui, bah. Je voulais savoir si c'était normal ou si j'étais bizarre. Les mecs étrangers, genre d'un autre pays que la France, quoi. Ouais, bah voilà, justement, je suis en kiff sur un portugais. Ah d'accord. Oui, bah si tu veux on appelle un pote à nous, lui aussi il est portugais, il est célibataire. Ah bah carrément. Y a pas de soucis, hein. Ah, ouais. Virginie, tu restes avec nous et dites-nous si vous aussi vous aimez voir du pays. Voici Richard Olensky sur Fun Radio Heartbeat. Richard Olensky sur Fun Radio Heartbeat. 20h, 22h. 0,42,48,5000. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Je vous annonce que tout à l'heure dans l'émission, on écoutera le nouveau Zara Larsson, DJ Snake, Justin Bieber. Il y aura aussi le nouveau Pitbull avec Florida, Arizona et Robin Schulz. Du bon son, hein. Vous pouvez le choisir aussi, hein. N'hésitez pas. 01 42 48 5000. Twitter, Facebook, les réseaux sociaux. On est totalement connectés. On lira d'ailleurs quelques messages, hein, qui sont arrivés avec Alice dans un instant. Mais d'abord, on va accueillir Virginie. Hello, hello Virginie. Hello. Hello. Salut. Salut. Virginie, t'es à Lyon, toi? Oui. D'accord. Et t'appelles pourquoi, Virginie? Bah en fait, je préfère coucher avec les mecs étrangers, avec un accent et tout, que les Français globales. Qu'est-ce que ça te procure? Bah, je sais pas, j'aime bien leur accent. Au lit, ils ont une plus grosse... Voilà. attends, c'est quoi ces conneries, là? Attends, de quel... Est-ce qu'on est français, on a une petite bite? Oui, eh ben non, ça. Madame. De quel pays tu parles? De quel pays tu parles? Moi, je suis en quiche sur un portugais parce que je me suis déjà tapé des portugais. Parce que tu crois que les portugais ont une plus grosse bite que les français? Ah, bah oui. Et après? On a un de nos responsables d'antenne avec qui on prend des douches régulièrement, parce qu'on fait un petit foot de temps en temps. Bah, je suis désolé, mais bon, c'est Rikiki, quoi. Ça va? Non, pas les portugais. Oui, non, mais attends, et Virginie, sois sérieuse. C'est pas si petit que ça, quand même. Tu ne peux pas dire ça. Tu as un peu partout dans le monde, suivant les origines et les continents, des gens qui ont des sexes plus ou moins gros. Ah, mais c'est vrai que tu disais que tous les Français sont très grands et que les Chinois sont petits. Bah oui, il y a des Chinois petits, puis il y a des Chinois très grands. Ah, qui est le plus gros sexe dans le. Ah, au Congo. Attends, Alice, elle connaît toutes les réponses. Qui me parle de gros sexe ? Le Congo. Avec une moyenne de presque 18 cm. Comment ? Oui, c'est-à-dire quoi ? Ah ouais. Allez, salut. Faut pas taper dans le porto, Virginie. C'est plutôt le congolais. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font une étude sur plusieurs individus. Et que sur ces individus, il y a une moyenne. Ouais. En France, par exemple, aux États-Unis, c'est 14,2. Ouais. En Europe, à peu près aussi. Alors peut-être que dans certains pays africains, c'est un peu plus long. Mais attends, Doc. En sachant que le vagin fait 8 à 12 cm, pourquoi vous revendiquez 18? Ça sert à quoi? Ça ne sert à pas. Bien sûr, enfin bon, c'est toujours mieux d'être. En sachant que c'est le tiers supérieur, le premier tiers qui est très sensible et qui. Dans le vagin, tu veux dire? Oui. Non, mais pour le garçon, la première partie de la verge, la partie la plus sensible pour donner un orgasme. Voilà, c'est tout. C'est vrai, Virginie. Du coup, Virginie, t'appelles pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir, ma chérie? Ben, je voulais savoir s'il y avait déjà d'autres auditeurs qui étaient dans le même cas que moi. Qui aiment sortir avec des étrangers, en fait. Voilà, exactement. Mais il y a un portugais, mais par exemple, je sais pas, marocain, sénégalais, chinois. Oui, mais tous ceux qui ont des accents, moi je dis pas non. Bah, alors, tu cherches un mec, là, en ce moment, là, ou pas, là? Bah là, oui, c'est un kiff sur un portugais, là. Ah, d'accord, mais si on te présente quelqu'un d'autre, par exemple, qui aurait un petit accent, même en France, ça t'intéresserait ou pas? Bah, s'il a pas d'accent, non. Il faut qu'il ait un petit accent. D'accord. Genre, oui. Il sait quoi son accent portugais, ton copain? Ben, je sais pas, moi je sais pas parler portugais, mais quand il me parle, il a un accent. Tudo bien. Wow. Tudo bien. C'est tout ce que je sais dire. Je sais même pas si c'est. C'est brésilien. Voilà, super. Non, mais Virginie, moi je lance un appel ce soir. Je lance un appel. Si quelqu'un est intéressé pour faire l'amour à Virginie. Hein avec un fort accent. Avec un fort accent, c'est important. Mais pas de n'importe où, j'imagine. Enfin, un accent si, du sud. Elle a dit n'importe où. Portugal. À la fin. Africa, même les Belges et les Alsaciens, les ça Africa, te fait craquer. Chinois. Mais non, ça l'accent français. De la Belgique, tu dis oui ou pas? Non. Non, pas d'accent de Belgique. Allemand. Un Américain. Un Allemand. Pourquoi pas? Ah oui, quand même. Hi Virginie. Et un Britannique. Ah ouais, Britannique, ça t'intéresse ou pas, ma chérie? Pourquoi pas? Allez, j'ai l'impression qu'elle veut faire l'amour avec le monde entier. Elle n'a pas l'air malheureuse, donc c'est déjà pas mal. Ouais, si on raisonne comme ça, il y a à peu près 6 milliards d'individus contre 64 millions de Français, donc forcément... Bah, à l'étranger, direct. T'as l'embarras du choix. Et alors, je suis quand même content de savoir, grâce à Alice, que j'avais des origines congolaises. Et ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mais Virginie. Les Français sont dans le top 4 quand même. Ah, attends, ça va. Bah, bien sûr. Il y a d'abord le Congo, ensuite le Soudan, le Brésil, puis la France. Sans anecdote. Bah oui. À force de tirer dessus, ça mène à quelque chose. Eh ben voilà. Enfin, un truc où on est fort en France. Oui, c'est fort pour allonger le centimètre. C'est le mettre au ruban. Ouais. Tu raccroches pas, Virginie. On va Karel, te passer. Ouais. Karel, je peux faire une dédie, s'il te plaît? Bah, tu peux tout faire ici, toi. C'est gentil. Bah, je fais des gros bisous à Alice et je l'aime très fort. Et Léo, bisous. Je vais te passer une petite dédicace aussi. Salut ma chérie. Salut. Merci. Salut Virginie. Le chiffre d'Ali, justement. Hein, on va vous offrir des sextoys Lélo pour tous ceux qui vont réagir. Pas des moindres. Alors, il faut réagir à quoi, Alice? Eh ben, écoute, j'ai trouvé un chiffre. Apparemment, il y a 38% des gens qui trouvent que le sexe est plus excitant avec un inconnu qu'avec quelqu'un qu'ils connaissent. Combien de pourcents? 38%. Oui, ça peut. 38%, on en parle dans un instant. Peut, je vais donner des explications. Ah, pourquoi, justement, est-ce qu'on a cette excitation-là? Oui. Bah, 01 42 48 5000, n'hésitez pas à nous appeler là pour réagir. Vous avez fait l'amour, peut-être que ce week-end vous étiez en boîte dans un restaurant, vous avez vu cette personne accoudée au bar et vous lui avez dit on fait l'amour, elle a dit oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez excité? 01 42 48 5000. En attendant, voici Zara Larsson et End My Fault sur Fun Radio. If I get you in trouble. be rude, but I look so damn good. Sur Fun Radio. Le chiffre d'Ali dans Loving Fun sur Fun Radio. Tout un week-end pour préparer son chiffre. Et quel beau chiffre et ce soir, Alice. 38% des gens trouvent le sexe bien plus excitant lorsqu'il est pratiqué avec un inconnu. Un ou une inconnue, bien sûr. Un inconnu, non. Jamais c'est, vu. C'est la pulsion, ça. Bah, c'est ça, c'est le côté un peu mystérieux, c'est la, intriguant. C'est la pulsion, ouais. Mais de là à dire qu'on a un rapport sexuel satisfaisant, ça, c'est autre chose. Ah, ça, c'est différent. Simplement, la première chose, voilà, la pulsion. Bah, c'est le fait d'y penser qui doit être plus excitant. Après, dans l'action, ça peut être très différent, je pense. Je pense que ça peut être différent dans l'action, exactement. Ah ouais, je suis pas d'accord, moi. Ah bon ? Ah ouais, non, moi je préfère le faire avec quelqu'un que je connais, quoi, parce que... Et c'est ce que je viens de te dire, c'est ce qu'on vient de dire. Oui, en gros, mais le fait de l'imaginer... Ah pardon, j'écoutais une autre émission, j'étais sur une autre radio. Ce que je disais avec Alice, c'est que la pulsion, c'est d'un seul coup, t'as envie et t'es prêt à passer à l'acte, mais une fois que t'es dans l'action... C'est pas satisfaisant, c'est pas la même chose. C'est mais le moi, fait de l'imaginer. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que j'aime pas faire l'amour avec des inconnus. Ah, t'as pas de pulsion. C'est Non. Moi, il me faut t'as que je connaisse. Pulsion, oui, je comprends. Ah ouais, mais il y a des gens, beaucoup de gens. Je suis pas à poil devant tout le monde, hein, ça va. Non, mais il y a des gens qui sont capables, effectivement, en se regardant dans une relation sexuelle. Ça existe. Ah ouais, mais c'est chaud, quoi. Je sais pas, l'embrasser, oui, ouais. C'est chaud, mais je comprends ce que tu dis. On a Estelle qui est avec nous. N'hésitez pas à réagir. Vous aimez faire l'amour avec des inconnus? 01 42 48 5000. Ou au contraire, vous détestez ça? 01 42 48 5000. Estelle, elle adore ça, je suis sûr. Bonsoir Estelle. Salut, bonsoir Estelle. Karel, bonsoir le dog, bonsoir Ali. Salut tout le monde. T'as fait l'amour avec un inconnu dernièrement? Dernièrement, non, ça remonte quand même. Il y a un petit moment. On se connaît à peine, Estelle. Ah, c'était un petit moment, mais qu'est-ce qui... Dis-nous comment ça s'est passé en quelques minutes. Ça s'est passé que j'avais envie. Je me suis dit pourquoi pas tenter. Et j'étais sur un site dont je ne citerai pas le nom. Et ça a été le premier. Le premier qui nous parlait, je lui ai donné rendez-vous quelque part, histoire de voir. Non, ouais, ben, c'est ça, en fait, je lui ai donné rendez-vous quelque part, histoire de que moi je puisse approcher et voir qu'est-ce que ça donne. S'il me plaisait pas, je pouvais prendre mes jambes à mon cou. Ah fort. Et puis au final, non, ça s'est bien passé. J'ai pas voulu connaître son nom ni son prénom. Attends, t'es inconnu complet. Attends, t'es allé le voir et tu as dit, me dis pas comment tu t'appelles, viens en base. Mais moi, quand même pas, mais je lui ai dit non, j'ai pas envie de savoir ton prénom, de toute façon, ça sera fois, c'est tout, c'est comme ça, c'est pour essayer. Ça a duré combien de temps, le rapport sexuel? Tu prends vraiment pour des objets, nous les hommes. Alors là, je serais plus dire. Mais c'était où tu, vous avez eu une relation sexuelle où? Chez lui, chez toi? Ça rappelle un truc ad hoc, c'est bizarre. Non, du tout, je sais pas comme ça. Oui. Bah, D'habitude, ça ne m'aurait pas dérangé de le dire, mais alors j'avouerai que là, j'ai mon chéri qui m'a pris le coup et qui a allumé la radio. Je suis mes beaux parents. C'est pas titre. Parce qu'en plus, t'étais déjà avec ton chéri quand ça t'a pris. Non, mais tais-toi. Non, parce qu'il écoute. C'était avant de le connaître. Oui, c'était avant de le connaître. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Estelle s'est tapé 4 mecs ce week-end. Merci d'être avec nous. Si vous aussi, vous êtes adepte des partous, appelez-nous. Mais dis-moi, non, mais juste, est-ce que t'en gardes un bon souvenir? Est-ce que tu as recommencé ou t'avais pas envie de recommencer? J'en garde un beau souvenir. Bah, au moins, je pourrais dire que je l'ai fait. J'ai vu ce que ça fait. Mais après, j'ai pas recommencé parce que j'avais pas forcément envie de recommencer. D'accord. Mais en tout cas, toi, ça t'a excité et t'es pas la seule. Une fois, absolument. Lucas peut-être l'a fait plusieurs fois. On sait pas. Bonsoir, Lucas. Salut, Lucas. Bonsoir, Lucas. Bonsoir. On est détente ce dimanche soir chez Lucas. Ça va? Vous allez bien? Ça va, bien sûr. Tu fais une petite soirée quoi, toi, ce soir? Une soirée, rien, révision. Révision, ouais. Tranquille, t'es en quelle classe, toi? Première S. D'accord, bon courage à ceux qui révisent. Hein. Alors, merci. Lucas, est-ce que t'as déjà fait l'amour avec une inconnue? Non, jamais. Je trouve pas ça excitant. D'accord, au contraire, toi, t'aimes bien connaître la personne, essayer de fantasmer dessus? Ouais. Parce que ça arrive pas souvent aux garçons. Une fille, tu la rencontres quelque part comme ça, elle te regarde, elle te dit d'emblée, voilà, ben, tu veux pas me suivre, tu suis pas, toi. Elle dit, tu veux pas me sucer. J'ai cru qu'il allait dire ça. Non, c'est jamais si la fille a des trucs ou je sais pas, non. Ah, même avec capote, quoi que ce soit. Un peu hypochondriaque. Pas du tout, mais voilà, j'ai pas confiance. T'as raison, en même temps, je peux comprendre cette crainte, tu connais pas la personne, tu sais pas d'où elle vient, quel est son passif, parfois les gens, tu leur donnerais le bon Dieu sans confession. Je pense qu'il y a 80% des mecs qui tombent sur une fille comme ça et qui partent. Hein. Bah bien sûr. Il veut juste pour... Non, bah, oui. C'est chiant ça. On peut dire ça comme ça. Ouais. Ah bah il y a un paquet de mecs qui sont comme ça. Non mais voilà, pourquoi pas Kassim lui fait partie de cette catégorie de personnes qui coucherait avec n'importe qui. Ah bah oui, tant qu'il y a une chatte, moi je baise. Hein. Oh voilà, non. C'est ça. Oh, le cochon. C'est pire qu'un cochon. Mais Mélina est avec nous, 20 ans de Chambéry. Bonsoir Mélina. Salut Mélina. Salut tout le monde. Bonsoir ma chérie. Tu vas répondre à la question dans un instant, d'accord? On va rester avec toi, parce que sinon on n'aura pas le temps de parler avec toi. Il y a des sextoys de la marque Lelo, là, à gagner, hein. N'hésitez pas à nous appeler, 01 42 48 5000. Il y a beaucoup de réactions aussi hein, sur l'amour avec les inconnus. On en lira plein là dans un instant avec Alice. Et on sera avec Elliot. Elliot, 14 ans d'Arcachon, bonsoir Elliot. Salut Elliot. Salut. Ça va? Ça va, salut Doc, salut Alice, salut Karel. Salut Elliot, t'appelles pourquoi toi? Ben moi j'appelle parce que en gros j'ai un problème, il y a une fille qui me harcèle, qui me parle tout le temps, et en fait c'est la fille du proviseur. Oh donc, putain ouais. Ah ouais, l'angoisse. On va appeler le proviseur, pas de problème. Attends, on peut essayer de l'appeler en plus, c'est énorme. Attends, tu vas pas aller à l'école demain, Elliot, je te le dis tout de suite. Non, j'ai pas envie d'avoir un problème, moi. Oh là là, t'as appelé la bonne émission, t'inquiète pas, t'iras quand même en cours. On a un médecin qui te donnera des cours particuliers s'il le faut, et on écoutera Jonas Blue avec Perfect Strangers. Ah, c'est sûr que c'est pas nous qui allons les donner les cours. Vous restez bien avec nous, on est là jusqu'à 22h, à tout de suite. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun. Sur Fun Radio. 3228. Service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai ! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon! Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Oh, ain't you said from a... Yeah. Tous les soirs, Love in Fun sur Fun Radio en direct et en streaming sur le site de funradio.fr. Si vous voulez mater justement l'émission, n'hésitez pas, funradio.fr ou depuis l'application mobile Fun Radio directement sur le portable. 01 42 48 circule pour nous appeler. Il y a beaucoup de réactions puisqu'on parle de ce chiffre d'Alice, 38% des personnes qui, voilà, qui trouvent excitant de faire l'amour avec des inconnus. On t'a pas encore entendu, Mélina. Bonsoir, Mélina. Salut, Mélina. Bonsoir. Salut. Pratique l'amour avec... Bonsoir. Tu pratiques l'amour avec des inconnus? On va dire pas mal, ouais, beaucoup, pas mal. Bah, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui t'excite? En fait, de base, l'histoire de base, c'est que je me suis séparée de mon ex avec sur ses 4 ans en mars. Ouais. Et en fait, à partir de là, c'est parti en couille, on va dire. Cacahuète, total. depuis que t'as rompu, tu te tapes, voilà. Tu te tapes plein de mecs. Voilà, en gros, c'est ça. Une façon de te venger, c'est quoi? C'est... Bah en fait, non, c'est juste un besoin, en fait. C'est que j'ai envie, c'est tout. T'as besoin d'amour, quoi. Ouais, d'amour, ça dépend. Est-ce que tu... Non, parce que ah oui. Là, t'as pas d'amour du tout. Comment ça se passe, en général? Comment tu procèdes, en moyenne? Tu rencontres un mec dans la rue, en boîte, quelque part, tu lui dis... Bon, en boîte, ouais, après, je le ramène chez moi et on sait ce qu'on a à faire, quoi. Attends, mais t'as jamais croisé une fille qui propose ça, moi? T'en déconnes, c'est quoi cette arnaque, là? Ça n'existe pas de boîte, Karel. Ça n'existe pas. Mais dis-moi, ça peut se faire en 5 minutes, comme ça? Bah non, en fait, tu es sur la piste, tu tapes 3 petits coups de twerk, le mec, il est content, il vient le voir, et après, tu dis, on va chez moi, quoi. Et, ah ouais, d'accord, ok. Et tu lui dis, vas-y, viens, si tu veux, tu vas pouvoir me faire ma fête. Mais dis-moi. Perfectionner mon twerk. T'as fait ça combien de fois? Ah, c'est super. Une vingtaine de fois, en tout cas. Et tu es satisfaite ou t'as envie d'arrêter? Pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Mélina, en tournée dans toute la France. Qu'est-ce que ça... Les dates sur funradio.fr. Qu'est-ce que ça te procure? Ah bah, ça dépend les gars déjà, parce qu'il y en a... Mais raconte justement. Oui, ça dépend des gars, oui, j'imagine. Oui. T'es tombé sur quoi? Quel type de mec? Sur une vingtaine de mecs, là? Raconte toute petite anecdote, tout. Là. De tout. Comme disait la meuf tout à l'heure qui parlait des origines, j'ai couché avec des Asiates, avec des Français, avec des Blacks, avec un peu de tout, quoi. Oui, t'as fait ton marché, quoi. Voilà, on va dire ça, ouais. Ah bien. Et ça s'est toujours bien passé avec tout le monde? Ça va, ouais. Sauf qu'il y en a, c'était complètement pourri, mais ça... Pourquoi? C'est quoi pourri? C'est soit que, alors par contre, les mecs qui m'écoutent ce soir, ouais, arrêtez de baiser comme des lapins. Ouais. C'est juste insupportable. Tu veux dire quoi par lapin? Ça dure pas longtemps ou c'est toujours même position? Position, et le mec il va au taquet. Il croit que c'est bien, mais genre lui il prend son pied, mais toi non, en fait. Ouais, d'accord. On n'est pas des cheminées, faut arrêter. On n'est pas des cheminées. On n'est pas des cheminées, d'accord. Je suis pas une putain de chenière. Une fois qu'il a pris son pied, il se retourne, il s'en va, il s'endort, il fait quoi? C'est ça. Bah, souvent il s'endort parce qu'en général on est un petit peu rond, donc. Mais. Voilà. Mélina, si je peux me permettre, tu vois un mec dans la rue ou dans une boîte et tout, tu l'invites à venir chez toi et après tu te plains de ta relation sexuelle, mais ça se trouve le mec lui, il a zéro respect, il se dit putain je vais la nickel, tu vois. Ouais, c'est ça. Quoi. Et voilà, et il se casse quoi. Tu as peur de l'amour maintenant, tu n'aimes plus, tu as peur d'aimer, tu t'es fait avoir, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait larguer par quelqu'un qui t'a... On s'est séparés en fait d'un accord commun. Voilà, d'accord, donc, mais pourquoi tu veux plus d'amour? Pour l'instant, je me dis que je suis jeune et que j'ai pas envie de. Il y en a qui profitent, bien sûr. T'as eu des périodes comme ça, Alice, où t'avais envie de profiter J'ai eu des périodes comme ça, mais ça m'est arrivé une fois de le faire avec un mec que je connaissais absolument pas. D'accord. Mais une fois, et je l'ai jamais revu d'ailleurs. Elle le connaît toujours pas. Ouais. Non. Michel, si tu nous écoutes. Non, mais c'était une connaissance en commun, quoi, en fait. Ouais. Donc déjà là, il y a ce côté un peu rassurant parce que t'as un pote en commun. Tu te souviens pas du mec, quoi. Mais si, je m'en souviens quand même un peu. Mais, à peu près. C'était bien ou pas? Je bois pas d'alcool, donc concrètement, oui, je me souviens de tout. Ah ouais, mais donc, est-ce que c'était bien? Bah, est-ce qu'il y avait un truc excitant que j'ai trouvé ça vachement plus excitant avant de le faire, en fait. Ouais, parce que je trouvais que le jeu de séduction avant était beaucoup plus sympa qu'une fois que, j'allais dire, on rentre dedans. Bah oui. Bah, oui. Une fois que tu s'est agité un petit peu. Bah, c'est pas pareil. Limite, j'avais envie que ça se finisse et puis salut, quoi. Ouais, et en tout cas, t'es pas la seule. Hein. Il y en a plein aussi qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Pas mal de réactions. Il y a Maëlle qui dit je comprends pas du tout ce principe. Moi, ça m'attire pas du tout de le faire avec une personne que je ne connais pas. Et David, lui, il l'a fait une fois avec une fille qu'il connaissait pas. Il a vraiment kiffé. Et par la suite, ils ont recommencé tous les deux. Ils se connaissaient un peu mieux. Et c'était pas top. Ah ouais. Donc, comme quoi, voilà. Il y a pas de règle. Hugo, notre auditeur du soir. Hugo, t'as 16 ans. T'es toujours plus. T'as déjà fait des trucs où tu vas. Mystère et boule de gomme. Hein. Ok, donc t'es puceau. Donc, je voulais te poser la question par rapport aux inconnus, mais bon, on va laisser tomber. Hein. Hugo, t'es où? T'étais sur ton paillasson tout à l'heure? Ah, bah là, maintenant, je suis sur le trottoir. D'accord, ok. C'est de mieux en mieux. Ça progresse. On se fait délaisser. Tu seras bientôt chez toi, mon pote. Il va arriver à l'accueil de fun tout à l'heure. Je suis là, les gars, j'ai marché. Reste avec nous, Hugo, et merci à toutes les réactions. Estelle, Lucas, Mélina, vous repartez toutes avec le sextoy de la marque Lelo, les meilleurs sextoys du monde. Et ouais. Gros bisous à tous les trois, et on va parler des plus grosses hontes dans un instant. T'as reçu un message, Alice. Ouais, exactement, un message de Sonia. Elle en a marre parce qu'apparemment, sa mère lui tape tout le temps la honte. D'une, elle vient en pyjama la chercher à l'école, et elle l'appelle ma boulotte ou ma crotte devant tout le monde. Putain, mais elle se sent déconner. Donc, voilà. Allez, parents, est-ce qu'on peut changer de parents, c'est ça? Ah ouais. Alors, si vous voulez, mais vraiment, vos parents vous mettent la honte régulièrement, vous voulez qu'on appelle vos parents, on le fait, mais alors. Mais ça, on peut l'appeler. Tranquille. Doc, il a une expérience incroyable. 01 42 48 5000. En attendant, voici Jonas Blue et Perfect Stranger. C'est Love in Fun. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. Yeah. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's. Jonas Blue sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. In Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Et soyez tous les bienvenus si vous venez d'arriver. On est dimanche soir. Nous, on est en pleine forme. J'espère que tout va bien. Vous êtes en train de nous écouter sûrement sur les routes. En ce moment, il y en a qui sont à la maison tranquille. Il y en a qui révisent, qui n'ont rien branlé du week-end. Tu sais, qui avaient un contrôle à faire. Ouais. Dernière minute. Les révisent, c'est ça. T'es en train de stresser avec les fiches. Tout le week-end, tu te dis putain, faut que je bosse. Et puis arrive le dimanche soir, bon bah là il va peut-être falloir que je m'y mette. Et puis tu finis par le faire le lundi matin dans le bus, tu sais. Exactement, ou juste avant de rentrer en cours. Merci d'être avec nous en tout cas, ici tous les soirs. On fait ce qu'on appelle un défi. C'est le défi, fallait pas demander. En fait, vous venez poser une question que normalement jamais de votre vie vous auriez osé poser à la personne que vous appelez. Et vous devez énerver la personne. Toute la semaine, on va vous offrir No Man's Sky sur PlayStation 4. C'est le jeu là qui se passe dans l'espace. Et là, on va se réécouter maintenant. Le meilleur défi, fallait pas demander de la semaine, c'est tout simplement Nathan, 15 ans de Mont-de-Marsan, qui a appelé sa maman et qui lui a demandé « Est-ce que je peux arrêter l'école pour faire du rugby ?» Écoutez. Oui, allô ? Allô, maman ? Oui ? Ouais, c'est moi, j'ai envie d'arrêter l'école. Pardon ? Et tu m'appelles pour me dire que tu veux arrêter l'école, tu pouvais pas attendre ce soir. Mais non, mais en fait, aussi, je suis pas allé à l'école depuis la rentrée, même si je vais à l'école le premier jour. De quoi ? Tu plaisantes ? Mais non. Non. Et qu'est-ce que tu fais alors quand je te dépose le matin devant l'école? Mais je vais voir un recruteur, mon recruteur. Il m'a fait un mec qui m'a recruté. Ah ouais, un mec qui t'a recruté. Écoute-moi. Pour devenir star du rugby. Star du rugby? Oui. Non, mais n'importe quoi. Et si j'étais repéré par un mec, il veut me faire de moi une star. Il veut faire de toi une star? Ouais. Une star de quoi? Une star de rugby, un rugbyman professionnel. Oui, bien sûr, oui, c'est ça, une star de rugby. Oui, parce que tu crois que les rugbymen, ce sont des stars. Non, mais tu rêves. Tu veux arrêter l'école et si t'as pas de diplôme, t'as pas de métier. Tu crois qu'être star de rugby, comme tu le dis, ça dure vita aeternam? Oui, mais c'est lui qui m'a fait les mots pour louper l'école. C'est lui qui t'a fait les mots pour rater l'école? Comment il s'appelle? Il s'appelle Karel. Karel? Oui. Qu'est-ce que c'est cette connerie-là? Mais tu veux que je te le passe? Oui, passe-moi-le. Ok, tiens. Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. C'est vous, Karel ? Karel Patulacci, oui, je suis recruteur de star du ballon ovale. On m'appelle le détecteur de talent. Voilà. Détecteur de talent. Et détecteur de talent, et comment vous avez pu recruter mon fils ? Vous le connaissez même pas ? Ah si, moi je fais partie de ceux qui sont les visiteurs dans les stades, et j'avais vu que Nathan avait quelque chose d'assez exceptionnel dans les jambes, il a de l'or dans les jambes. Donc, bon alors, madame, je vais vous expliquer comment ça va se passer. De toute façon, nous, demain, on part en Croatie pour faire un stage. En Croatie? Oui, non, bah de toute façon, vous êtes. Vous n'allez pas partir en Croatie, certainement pas. Attendez, madame. Vous m'avez de toute façon donné le chèque pour que je l'emmène. Quel chèque? Nathan m'a donné un chèque. Ah, ça m'étonnerait qu'il vous ait donné un chèque. Nathan m'a donné un chèque, il y avait votre signature. Il m'a dit, c'est bon? Ma signature? Non. Baissez d'un ton, ça m'énerve. Mais vous aussi, vous m'énervez, parce que déjà, je ne vous connais pas. Et mon fils, vous ne l'amènerez certainement pas en Croatie. Bon, écoutez, cette affaire m'a l'air mal embarquée. De toute façon, il est avec moi, donc on part dans le van et puis on y va. Alors, je vais vous le repasser pour qu'il vous dise au revoir, parce que là, on va partir. Vous allez partir maintenant ? Bah oui, madame, demain... Ah, mais ça m'étonnerait. Ah bah... Ça m'étonnerait que vous partiez maintenant. Ah, je vais vous le passer. Allô, maman ? Oui, c'est quoi cette bêtise, oui. Là ? Désolé, mais je t'ai créé un chèque et j'ai signé à ta place. Pardon ? Non mais tu plaisantes là, j'espère. Non mais là tu te moques de moi là. Je veux partir maintenant, faut que j'y aille. T'as le car qui t'attend ? Non mais attends. Attends, je te passe ton père. Attends, viens ici. Allez les gars ! Non, là n'est pas question là. Tu t'en fous de moi ou quoi ? Tu arrêtes de plaisanter. Je te passe ton père. Tout de suite. Elle chante ta mère. Allô, qu'est-ce qu'il y a ? Je pars en Croatie, j'ai le car qui m'attend. À quoi ? Cette connerie là ? Je pars en Croatie, j'ai le car qui m'attend. En Croatie ? Oui. Et l'école ? Tu veux plus y aller à l'école ? C'est pas grave, je m'en fous de l'école. Bah, t'en fous l'école ? Et ton avenir ? J'ai envie de devenir une star du rugby, moi. Une star du rugby ? Oui, t'en vas. Mais attends, j'en fous ton coup, et puis occupe, t'as star du rugby où tu dois la mettre ? Non, mais faut arrêter là, star du rugby. Mais putain, mais c'est bon là. J'ai envie de tu reviens vite à la maison de suite. Bon, tu te dépêches, Nathan, hein. Moi, j'ai pas tout mon temps. Oui, je monte, j'arrive. Allez, on va y aller. Bon, je passe ta mère, ciao. Non mais attends, mais c'est quoi ça? Non, je suis pas d'accord, Edith. Allô? Oui, j'y vais, ciao. Non, tu vas pas, tu reviens. On y va, allez, on embarque. Ciao, maman. Allez, Nathan, tu viens. Tu t'assois à côté de moi. Mais c'est une bêtise ou quoi, ça? Allô, madame? Oui. Madame, on est parti, là. On est sur l'autoroute, là, ça y est. Ah, vous êtes parti? Oui, autoroute, direction... Défi fallait pas demander sur Fun Radio en direct dans toute la France. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Vous venez de vous faire piéger dans toute la France, Corinne, par votre fils Nathan qui vous a fait croire qu'il arrêtait l'école. Maman, est-ce que je peux arrêter l'école? Et c'était pour gagner un cadeau sur Fun Radio dans toute la France, Corinne. Nathan ne va pas arrêter ses études. Nathan n'a pas séché l'école. Non. Nathan, c'est juste amusé de vous pour gagner un magnifique jeu sur PC. Bravo. World of Warcraft, c'est pour toi, mon Nathan. Yes. Ça va mieux, Corinne? Oui, ça va mieux. Oui, parce que là, le départ pour la Croatie, c'était un peu tôt. Hein. C'est ça. Ouais, c'est clair. Hein ça fait... Oui, c'est clair que là, ça faisait un peu tôt pour partir en Croatie. Ah, c'est bizarre, mais le papa, tu vois, je te repasse ta mère, tu pars en Croatie. Je m'en fous. C'est trop compliqué. Ouais, c'est ça. Ah, c'était magnifique. Ça va, Corinne? On se détend? Oui, ça va, oui. Ça, c'est bon. Hein. Faites attention au chéquier quand même. Hein. Ah, ouais. Oui, on c'est sait jamais. On fait jamais attention à son chéquier. On vous fait des gros bisous, Corinne. Gros bisous. Merci beaucoup à vous. Oui, au revoir. Et bravo, merci. Nathan. C'était énorme ce soir. Le défi, fallait pas demander. Salut à tous les deux. Ciao, ciao. Fallait pas demander dans Levin Fun. Et prochain rendez-vous Fallait pas demander, hein, dès demain sur Fun Radio Standard 01 42 48 5000. Dans un instant, on va parler des plus grosses hontes qu'on a pu avoir à cause de nos parents. Exactement. Lâchez-vous, on vous attend au Standard 01 42 48 5000. En attendant, c'est Sigala, Give Me Your Love. Maybe selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. Sur Fun Radio. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Fun Radio. Et merci d'être avec nous tous les soirs sur Fun Radio, Love in Fun au 01 42 48 5000. Et nous allons voyager là maintenant. C'est que Love in Fun, c'est une émission qui s'écoute dans le monde entier avec le site de Fun, funradio.fr. On nous écoute un petit peu partout dans le monde. On a eu des messages de Tahiti carrément. On a eu des messages du côté du Canada, Maroc, du aussi, Canada. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Miami. Ouais, beaucoup. Thaïlande, il y a eu tout. Ouais, beaucoup. Et là, ce soir, nous sommes en direct de Ouagadougou, oui, au Burkina Faso. Bonsoir Thomas. Salut. Oui, salut Karen, salut le doc, salut Alice. Salut. Salut. Raconte un petit peu là, Ouagadougou, tout va bien là-bas, qu'est-ce que tu fais là-bas toi Thomas? Bon, pour l'instant je suis juste étudiant. Ok, ouais. et tu nous écoutes régulièrement toi? Ouais, tous les soirs, depuis 2 ans maintenant que j'ai découvert Love in Fun, là je suis accro là. Ah, super. C'est génial. Ouais. Hein, super content de t'accueillir sur l'antenne. Et alors, j'imagine que tu avais une petite question à nous poser alors ce soir. Ouais. Voilà. Je voudrais savoir si la masturbation, est-ce que à long terme, ça n'a pas de conséquences? Parce qu'en fait, avec ma copine, depuis un moment, j'ai pris l'habitude de mastiquer un peu avant de passer à l'acte. Ah, t'es un gros branleur. Pour tenir un peu plus longtemps. Donc tu, lorsque tu ne t'es pas masturbé avant, tu éjacules très vite. Bon, un peu, ouais. Combien de temps? 10 minutes comme ça. Bah, 10 minutes, c'est déjà assez long. Ah bah, c'est déjà un record pour Doc, tu sais. Non, moi, c'est 1h facile, 1h10. Non, mais c'est la technique de je décharge mon fusil avant de passer à l'assaut, quoi. Oui, mais ça, d'abord, voilà, je vais te donner une bonne nouvelle. Tu n'es pas éjaculateur précoce. Simplement, voilà, tu es très très excité. Peut-être que ta copine aussi sait y faire et ça déclenche chez toi ce qui peut se déclencher, c'est-à-dire un orgasme. Tu pourrais aussi tenter, si tu veux, de faire d'avoir un rapport sexuel fragmenté, c'est-à-dire au début tu fais 5 minutes, puis tu te retires, tu continues les caresses et ainsi de suite pour effectivement prolonger le plaisir. Alors, dans le plaisir sexuel, et c'est le drame de la masturbation, c'est que finalement la masturbation, tous les mecs se masturbent pour avoir un orgasme. C'est comme ça. Bah c'est donc, ça va très vite. Alors qu'en fait, dans une relation sexuelle, il ne s'agit pas d'aller beaucoup moins vite, mais moins vite. Et pour cela, il faut apprendre à prendre du plaisir en plateau, avant l'orgasme. Okay. Et qu'avec la masturbation, tu apprends l'inverse. Tu apprends à décharger le fusil très vite. Ah oui. Ouais. Ok. Thomas, pense bien à ça, c'est conseil d'un professionnel, tu connais Doc. Alors, il faut donc que tu, même quand tu te masturbes, surtout quand tu es très excité, apprends à finalement te maîtriser, à maîtriser ton plaisir. À faire durer quoi? À faire durer pour que tu apprennes à durer avec ta copine. Parce que j'imagine que ta copine a besoin d'un rapport assez long pour avoir du plaisir, n'est-ce pas? Ouais, un peu. Et Thomas, d'ailleurs, au Burkina Faso, c'est quoi la position préférée? qu'est-ce qu'on aime faire du côté de Ouagadougou? Bon, moi perso, la levrette, mais les autres, je sais pas. Le missionnaire. Ah oui, non, mais la levrette, c'est quand même une position mondiale. Hein. C'est toujours au top. Hein. Mais la plus répandue, c'est quand même le missionnaire. C'est vrai. Missionnaire, ouais. Moins fatigué. Ouais, carrément. Thomas, tu voulais demander un autre truc? Vas-y, profite si t'as besoin. Ouais, du coup, vous aussi, ça vous arrive, hein? De faire des levrettes. Ah bah oui. Mais Karel, lui, ça lui est arrivé. Il m'en a parlé encore il y a pas très longtemps. En gros, en 30 secondes, il partait. Donc c'était un peu compliqué. C'est pour ça que. Te fous pas de ma gueule. Hein, ça arrive même au meilleur. Hein. Non, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que depuis que je te connais, j'ai déjà dit à l'antenne, Doc, que mes performances se sont améliorées. C'est incroyable. C'est Madame qui est contente. On m'appelle le marathonien. Absolument. Et j'espère, Thomas, que tu nous en diras des nouvelles en direct de Ouagadougou. Tu reviens quand tu veux, ici tu seras toujours le bienvenu Thomas. Ok, je vais même essayer ce soir, les conseils de Doc. Ah ben oui, tu me rappelles après, oui. Eh ouais, carrément, okay. tu reviens quand tu veux. Salut le Burkina Faso. Salut à toi Thomas. Okay, salut Thomas. 01 42 48 5000, on va retrouver Elliot qui est avec nous, 14 ans d'Arcachon, t'es là Elliot? Ouais, je suis là. Salut. Ah, Elliot, il lui arrive un truc de dingue. Qui on va appeler dans un instant Elliot? Personne. Bah si, on va appeler quelqu'un, Elliot. La fille du pro. Diseur. Ah bah voilà, tu vois. J'ai l'impression qu'il vient de se. Très amoureux de lui. Moi, je vous appelais surtout pour avoir des conseils parce que je suis un peu dans la merde. D'accord. Et bah justement. Et alors, c'est pour ceux qui viennent nous rejoindre, Elliot, c'est la fille du proviseur carrément du bahut qui le harcèle. On va en parler dans un instant. On va peut-être essayer de l'appeler aussi si elle est pas. Non, ça va, 21h15, elle est pas couchée encore. Et on va revenir avec DJ Snake et Justin Bieber sur Fun Radio. Ce sera Let Me Love You dans 3 minutes. A tout de suite tout le monde, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun.

Et un autre message de Victor qui nous dit: merci la famille, la dernière fois vous avez passé la chanson que je vous ai demandé. Est-ce que c'est possible de passer Closer des Chainsmokers avant 22h? Mais bien sûr. Ah. C'est ça, The Chainsmokers avec Closer. Ah, Godefroy est super réactif quand même. Ah, et c'est meilleur, hein. Attends, c'est pour ça. Merci. Il est bien meilleur que Kassim à sa place l'année dernière. Hein. Grave. On l'écoutera tout à l'heure, The Chainsmokers, et on accueille Elliot sur Finlandais dans Love in Fun. Il a 14 ans d'Arcachon. Bonsoir Elliot. Salut Elliot. Bonsoir. Salut Elliot. Ah, raconte-nous, alors, qu'est-ce qui se passe et tout là dans ton bahut là? Ben donc en fait, je suis dans mon bahut et il y a une fille qui est venue me parler, qui m'a demandé mon numéro, donc forcément je lui ai donné. Ouais. Et donc toute l'année dernière, elle a pas arrêté de m'envoyer des messages et tout, donc je répondais. Quel genre de message? Salut, tu vas bien? Salut, demain on mange ensemble? Salut, bon. Elle te drague. Ouais, voilà. Mais je savais qu'elle. Elle a quel âge? Je savais qu'elle me draguait, parce que de toute façon, elle me l'avait dit, j'avais des amis qui me l'avaient dit, et moi, je l'aimais pas, et j'avais pas envie de la vexer, parce que c'est la vie du proviseur. D'accord. Et j'avais pas envie d'avoir de problème. C'est l'erreur. Mais enfin, elle va pas l'expliquer à son père, qu'un petit copain refuse ses avances. Elle a quel âge? Alors, il faut expliquer, Doc. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, 14 ans, oui. Faut expliquer quand même que c'est la fille du proviseur. Ouais. La fille du proviseur, voilà, bon, c'est très bien. Non mais bien sûr. Et je pense que le proviseur peut prendre un peu de hauteur, peut accepter que sa fille soit amoureuse d'un garçon, mais ne pas lui dire, c'est encore pire, quoi. C'est l'impression que tu cherches un petit privilège dans un coin, tu t'en fous. Tu crois pas quand même que le proviseur va te virer parce que tu as dit à sa fille, non, tu ne m'intéresses pas. Non, c'est pas ça, mais c'est que déjà, jamais, je crois qu'il y a eu des histoires avec ses copines, des trucs comme ça... Ça joue dedans aussi, ça s'en met. Attends, Elliot, est-ce que tu lui as dit un jour, ça ne m'intéresse pas? Ben, bien sûr, mais elle a continué. Elle continue de t'envoyer des messages. Et toutes les vacances, tous les jours. Ou en et cas, ça, ça suffit. Ça suffit, t'en as marre. Tu veux pas qu'on l'appelle? On va l'appeler, on va lui demander. Non, j'ai pas envie de. Il a peur. D'accord, un petit peu, forcément, mais après, c'est. Non, t'as peur. Voilà, ça arrive, Elliot. T'as peur, non mais voilà, t'as peur de lui dire également que tu n'es pas intéressé, parce que si tu lui dis, moi je te crois pas, si tu lui dis, elle va arrêter. Ah non, je vous jure que je lui ai dit, elle m'envoie une semaine plus tard des messages avec des cœurs, je reçois ça pendant les vacances. Mais moi tu vas lui dire une chose, tu lui dis, écoute, si tu continues comme ça, moi je vais aller montrer ça à ton père. Oula, ouais. Bon, là je pense que en ça fait, va la stopper direct. Bon, et Elliot, on l'appelle. Ça va, Elliot, on l'appelle? Oui, ouais. Mais on va lui dire, attends, on va lui dire ça. Attends, on m'appelle. Parce qu'en fait, là, Elliot, je t'explique, c'était une fausse sonnerie, mais comme du coup t'as dit oui, on va vraiment l'appeler. D'accord? Oh non. Ah bah attends, Elliot, attends, c'est moi qui vais lui parler, d'accord? Oui. Je vais me faire passer pour un copain à toi. Gentiment. Gentiment, un petit copain à toi. Tu veux, je me fais passer pour ta meuf. Allô? Oui, ça ne va pas y croire. Tu m'étonnes. Bon, de toute façon, tu vois. Allô, Loïse? Non, pas du tout. Pourrais-je parler à Loïse, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de Loïse ici. Il n'y a pas de Loïse? Ah non. Bon. D'accord, vous êtes vous-même Madame Loïse? Non, du tout. D'accord, quel est votre petit prénom? Mais ça ne vous regarde pas. C'est la radio, c'est Fun Radio au téléphone. Vous êtes en direct pour gagner une voiture. Pour gagner une voiture? Vous appelez Loïse? Non, je m'appelle. Non. Quel est votre petit prénom? Sonia. Ah, ce n'est pas Loïse. C'est perdu. Dommage. C'est perdu. Désolé. Au revoir, Loïse. Ouais, au revoir. Bon, c'est pas Loïse. Ouais, je ne sais pas qui on a appelé, là. Elliot. Elliot, pourtant, je donnais le vrai numéro. Hein. Ah oui, ben. Non. Et tu t'es bien foutu de la gueule de Guillaume au standard. Ah, non, je vous jure que bon, c'est mon alors, numéro. Attends, on va le redire. C'est le numéro. Bon, je plaisante. Alors, on l'appelle ou pas, Elliot? Sérieusement. Tu veux que ça change? Il faut lui passer un petit coup de téléphone. T'inquiète pas. Bon, c'est pas vraiment que ça me dérange, mais je vous jure, j'ai donné le bon numéro. Non, mais elle a pas cru. Je pense qu'il faut essayer de cacher avec elle direct. Mais tu l'as reconnue là au téléphone, c'était elle? Oui, c'était. Ah, ok. C'était sa voix, je pense. Je suis pas sûre, mais je pense. Ah, c'était elle? Bah, il a reconnu sa voix. Elle a une voix adulte, tu rigoles ou quoi? Ah, ouais, sans déconner. On aurait dit Katoche, ta meuf. Quand je l'ai appelée ce week-end, elle avait la même voix. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, elle m'a dit, oh putain, il me fait chier. Donc. Comme je ne l'ai pas quitté. Il veut toujours me prendre minutes. Le vrai, j'en ai marre. Et comme je ne l'ai pas quitté 5 minutes, je suis sûr que tu ne l'as pas appelé. Bah, je croyais que tu avais bossé samedi matin. Attends, et samedi matin, t'étais à ton cabinet, n'est-ce pas? Non, t'as pas travaillé. Un doc. Oui. Ah, bah, tu vois. Mais bah, moi, j'étais là, sous le bureau. J'étais dans ton cabinet. Dans ton cabinet personnel. D'accord, oui. Avec Katoche, on s'est régalé. On a maté des photos de toi pendant. Ouais, sûr. Allez, c'est parti. On appelle tout de suite, du coup, Héloïse. C'est parti. Non, c'est pas Héloïse, c'est Louise. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Oh, dis donc, ça prend du temps, hein. Bon. C'est peut-être sa mère. Non, je sais pas. Ah si, elle confisque. Ouais, ouais, c'est possible. Provisoire confisque. Le... Bref. Oui, oui, Louise. Oui. Bonsoir, Louise, ça va? Ça va. Bon, Louise, je suis un copain, Elliot. Il va bien? Il va pas mal. Seulement, il me dit qu'en ce moment, tu envoies beaucoup de messages. Mm-hmm. Et que tu t'arrêtes pas, t'envoies toujours des messages et ça le saoule un peu, quoi. Ah bon? Mm. Il m'a rien dit? Bah si. Bah attends, t'es pas Loïs, toi. T'as quel âge? Ah, tu sais très bien. Ah non? Bah, mais qui on appelle, les copains? Qu'est-ce qu'on connaît? Alors, Loïse. Loïse, tu es née en quelle année, Loïse? Pourquoi? Parce que tu es censée avoir 14 ans. Et là, j'ai l'impression que t'en as plutôt 32. Exact, c'est pas vrai, c'est pas elle. Ah bah, sans déconner. Ah bon? On est tombé dans le panneau, tiens. Vous m'avez bien niqué. Est-ce que... Attends, c'est la maman. On va lui demander, est-ce que votre mari est proviseur? Non, mais je pense que vous faites erreur. Non, pas du tout. Est-ce que votre mari est proviseur? Non. Non, mais... Laissez-moi finir. Je pense que vous faites erreur. Mon fils vous a laissé son numéro de téléphone. C'est Elliot, votre fils? Non, il a fait un jeu avec vous cet après-midi et son père. Ah bon? Je comprends plus rien. Mais elle se faisait passer pour Loïse pour avoir la voiture, quand même. Ah mais bien sûr, c'est ça. Non mais alors, sans déconner, tu sais quoi, Elliot, j'ai l'impression qu'elle t'a donné un faux numéro, mon pote. Elle se fout de ta gueule, c'est pas elle qui t'appelle. C'est Robert qui t'écrit. Non mais de toute façon... Attends, si elle t'envoie des messages, c'est par SMS, sur le SMS... Non, c'est par Snap. Ah, d'accord. Bon. Mais bon. J'ai son numéro également. Oui, bah on va peut-être arrêter. On va peut-être pas appeler 10 fois la même personne. Il est 23h. Merci d'être avec nous. Et j'aime bien parce que je dis il est 23h et Doc il regarde la pendule. Grave. C'est ça. Okay, ah bon, déjà? Et on s'est passé vite ce soir. Elliot, mon pote, t'as fait tout ce que t'avais à faire. Maintenant, si effectivement t'as envie qu'on l'appelle, à ce moment-là tu auras le bon numéro, on appellera. Mais là, faut pas que t'en fasses plus, quoi. À partir du moment où tu lui as fait comprendre que t'étais pas intéressé, c'est, ben voilà, c'est à elle d'arrêter, quoi. On s'en fout que le père soit proviseur au final, parce que ça changera rien. C'est elle qui se sentira encore plus bête si son père est au courant de la situation, je pense. De toute façon, t'as rien à craindre, hein. Ah bah non, ça, c'est clair que tu lui dis, si tu continues, je montre ça à ton père. Voilà. Et avec ça, c'est dur. Mais là, t'as plus d'amis. Mais t'as plus d'amis, mais elle va surtout parce que, en plus, t'as un élément extraordinaire, c'est que les messages, tu les as gardés ou pas? Ouais, je les ai là, j'en ai. Eh ben, si t'as les messages, ça va être clair de montrer ça, donc elle va direct s'écraser. Et qu'il vaut mieux éviter ça, donc tu peux la menacer, genre vite fait, mais tu le feras pas, quoi, tu vois. Bon, non, tu le fais pas. Tu le tiens au courant. Tu la décourager. Tu le tiens au courant, d'accord, Elliot? Salut. D'accord. Je te fais une grosse bise, moi, Elliot. Allez, merci. Allez, salut, bourreau des cœurs. Salut. Ciao. Les plus grosses hontes avec les parents. On va en parler dans un instant. Il y a déjà beaucoup de réactions. On sera avec Hugo, notre auditeur du soir, 16 ans de Bar-le-Duc. Toujours là, mon Hugo, hein? Ah bah ouais. Bon alors t'étais dans la rue, t'étais sur ton paillasson, maintenant t'es où là? Bah là je suis avec un pote à l'entrée. D'accord. Il se rapproche. De chez lui, Hugo reste avec nous, on va réagir dans un instant à tout ça. Et voici Arizona, I was wrong. Oh I can see the doubt in those eyes. Even though you try to hide it, there's not much to figure out. Cause I know why. I won't try to fight it. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. It used to be so warm those days. I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. couldn't pull myself together, And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you were right, oh, you were right. Oh, Jason, I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know, I know. I just wanna say that. I want you to know that I was wrong. I know, I know. And I just wanna say that I was wrong. I know, I know. Arizona et Robin Schulz sur Fun Radio, I was wrong. Jusqu'à 22h. In. Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun, c'est vraiment une émission à part. C'est une émission différente, une vraie émission de libre antenne. Vous pouvez tout dire, demander des choses que vous ne pourriez pas demander ailleurs. Là, je viens d'en voir un message d'Yvon. Il s'appelle Cochon d'Inde du 59 sur oui. Twitter, qui nous dit ma copine aimerait voir mon anus, mais ça me gêne. Qu'en pensez-vous? Bon, oui. Bah allez, paye-lui. Bah paye-lui ton anus. Hein, et pourquoi pas? Elle a envie de le voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On peut rien attraper de grave en montrant son anus. Tant qu'elle ne met pas quelque chose dedans, tout. C'est ça, l'anus est préservé. Donc vous pouvez montrer votre anus quand vous voulez. Voilà, on répond à Cochon d'Inde du 59. En attendant, on va parler des parents. Des darons qui foutent la honte. Et ça, c'est une vraie angoisse, surtout quand t'es voilà, assez jeune, quand t'as 13, 14, 15 ans. On a Mathilde qui est avec nous. Elle a 20 ans de Nancy. Bonsoir Mathilde. Salut Mathilde. Bonsoir Karel. Salut Mathilde. Salut. Salut à toi. Tu fais partie donc de ceux qui ont subi leurs parents. Ouais, exactement. Ouais. Vas-y, raconte, c'était quand et pourquoi? Alors, c'était il y a déjà 2 ans. J'étais en première littéraire. Ouais. Et j'aimais pas trop le sport. Et une fois, en fait, j'ai séché le cours. Ouais. Et pour l'instant, enfin, mes parents n'étaient pas au courant. Sauf qu'en fait, ma mère a reçu un SMS du lycée en disant comme quoi ils avaient fait l'appel et que j'étais pas présente. Ah merde. Et ouais. T'as, ils font ça maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta mère? Du coup, c'est pas ma mère qui est tombée dessus, c'est mon père. Oui. Okay. Et lui? Et mon père, attention, hein, c'est ça va droit, quoi. Et il m'a appelé, moi, j'étais pas au courant, il m'appelle, il me dit oui, enfin, il me hurle au téléphone, il me dit oui, t'as intérêt de revenir au lycée, sinon ça va mal se passer, enfin, vraiment, enfin, j'ai eu peur, quoi. Du coup, je suis revenue au lycée en vitesse. Et mon père, alors du coup, j'ai supplié, mon père, il me dit, ouais, je suis déçue, machin, enfin, vraiment, il m'a fait un speech, quoi. Et du coup, j'ai dit à mon père, je lui dis, oui, papa, c'est bon, je recommencerai plus et tout. Enfin, heureusement, il n'y avait personne à ce moment-là. Donc, t'as pas eu honte? Non, bah, attendez, la suite. Et du coup, alors après, il me dit, non, on va voir les CPE, qui me dit. C'est là que ça commence à puer. Ouais, grave. Ouais, voilà. Vas-y. Quelle histoire? Mon lycée, enfin l'année là, était encore en travaux, donc il fallait traverser tout le lycée. Alors il y avait des gens sur les bancs et tout. Enfin, avec mon père. Le CPE arrive. Tu racontes bien. Laisse-la raconter. Donc, ouais. Raconte bien les détails. Non, bah dis-toi. Ouais. Après, il y avait du papier dans les toilettes ou pas? Après, je suis arrivée dans le bureau et puis mon père, il me dit, alors il commence à prendre un air. Bonjour, je suis le papa de Mathilde. Voilà, quoi. Ah non. Ah si, si. Et en fait, il dit, il explique comme quoi j'ai séché et que, enfin, il me faut une punition en conséquence. Et du coup, je me suis pris 2 heures de colle et j'ai pas pu aller à l'anniversaire d'une copine qui avait lieu, le jour d'après, quoi. Ouais, d'accord. Tu t'es fait balancer par ton père, en fait. Voilà, c'est ça. Et voilà, quoi. Eh ben, j'aimerais qu'on applaudisse Mathilde pour cette histoire incroyable. Est-ce que maintenant, 2 ans après, tu lui en veux encore ou tu comprends? Non, maintenant, quand on en parle, par exemple, quand on mange ou quoi que ce soit, voilà. On en parle et puis voilà, j'en rigole quoi. Mais sur le coup, c'est vrai que j'ai eu un peu la honte quoi. C'est des moments gênants en fait. Hein. T'es pas la seule, Mathilde. Il y a Audrey aussi qui nous a appelé. Elle a 19 ans de Valenciennes. Bonsoir Audrey. Salut Audrey. Bonsoir Audrey. Est-ce que tes parents t'ont mis une grosse honte toi? Oh oui. Et tous, ils l'ont fait. Vas-y, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ma maman aimait beaucoup me faire une coupe au bol quand j'étais petite. Ah oui, ça c'est bien. Ma fameuse coupe au bol, donc pendant des années. Je me suis promenée avec une coupe comme ça sur la tête, donc les moqueries et tout ce qui vont avec. J'allais à l'école avec ma capuche, la laissée tout le long de la récré, etc. Mais attends, elle voulait pas payer le coiffeur ou quoi? Pardon? Elle ne voulait pas payer le coiffeur? Ah mais si, mais elle le faisait faire par un coiffeur, comme elle demandait au coiffeur de me faire la coupe. C'était une fan des visiteurs, un délire comme ça, tu sais. C'est ça, mais c'est pareil, les façons dont ils nous habillaient, nos parents. Grave. Aussi. Moi j'avais un palmier sur la tête. Ah, putain. Ouais, ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté quand, la coupe au bol? C'est moi qui ai décidé, donc vers mes 12 ans, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Ouais, donc c'est même ça. Maintenant, j'ai les cheveux jusqu'aux fesses parce que j'adore mes cheveux. Voilà le résultat. Ouais. Voilà le résultat d'une mesure coercitive totalement ridicule. Maintenant, je ne touche plus à mes cheveux. Mais bien sûr, il faut savoir respecter les enfants. Ça les regarde quand même, la coupe de cheveux. Bien sûr. Mais les parents, j'ai l'impression que c'est leur kiff. De nous foutre la honte comme ça. C'est vrai, genre, t'as un repas de famille, genre, tu présentes ta nouvelle petite copine à toute ta famille, et là, ils te racontent l'histoire où quand t'avais 3 ans, t'avais fait caca dans un cirque. Il faut savoir respecter la personnalité de l'enfant, laisser s'exprimer, imaginer tout ce qu'on veut, et en même temps, lui imposer des règles, on est complètement d'accord. Sauf que là, ça n'a rien à voir avec une règle de vie ou une discipline à avoir. Ça a à voir avec quelque chose qui la touche profondément et dans son identité. Et là, je trouve ça un peu dur pour des parents. Agir ainsi. On n'en a pas fini. On a aussi Laura qui est avec nous. 28 ans du Mans. Bonsoir Laura. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue Laura. T'as une grosse ronde toi? Ouais. C'est quand j'étais au collège. Vas-y, raconte. En fait, mon père travaillait de nuit et tous les matins, en fait, il m'emmenait au collège. Et on avait donc une deuxième voiture et le pot était percé, le capot avait brûlé parce que ma sœur, je sais pas ce qu'elle avait merdé, donc il y avait eu des grosses flammes, ça avait brûlé tout le capot. Ok. Et le matin, quand j'étais trop relou, parce que la voiture me faisait honte, je disais « Non, laisse-moi là !» Et quand je le saoulais vraiment, parce que je le répétais trop, il m'emmenait pile poil devant la grille du collège. Il accélérait bruit. Comme un malade, donc ça faisait un bruit, mais de fou. Ouais. Il klaxonnait, et il ouvrait la fenêtre, et il me disait « Ah, ce soir, ma chérie, papa t'aime, tout fort, il y a tous les copains qui passaient. » Ah, ça, c'est un classique. Je dois dire que c'est absolument scandaleux. Quand tes enfants commencent à grandir, ils ne souhaitent qu'une chose, c'est que les parents les larguent, mais à distance de l'entrée. Et ça, c'est une constante, j'ai toujours remarqué. Mais il y a des parents qui sont tellement flippés, angoissés, voire un peu quand même... parano. Un peu tordu. Non, c'est méchant de faire ça. D'aller coller la honte à son enfant. Non, laissez-les un peu marcher, larguez-les 500 mètres avant. Bien sûr. Alors, dommage, la plupart ne nous écoutent pas, les parents, mais... mais ils vont répéter. Passer, tu sais, le doc, il a dit ça. Répétez, alors tout ce que j'ai dit ça... Vous allez voir vos parents et vous dites que j'ai dit ça. Moi, je vais te dire un truc. Ils appellent tout ce que tu dis dans l'émission, moi, je le répète. Hein. Ouais. Je parais pour un mec vachement plus intelligent. Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors, Alice, je suis sûr que tu as déjà eu une... Je connais ta mère, Alice. En fait, elle me tape très régulièrement la honte. Même avec vous, récemment, elle vous a quand même fait croire mon troisième prénom, c'était Morissette. Ouais, elle vous avait fait croire ça. Ouais. Elle a quand même demandé aussi à Cassim si elle pouvait avoir un sextoy Lélo, elle aussi. Ouais, c'est-à-dire que t'as la maman d'Alice qui demande des sextoys, carrément. Okay. C'est ça. Non, moi, j'ai très régulièrement où mes potes débarquent, elle est à poil en train de faire de l'aquagym dans la piscine. Enfin, normal, elle est très... Voilà. Ta mère, elle fait à poil de l'aquagym. Écoute, quand t'es tout seul chez toi, tu t'emmerdes pas, quoi. Mais du coup, préviens, quoi. Quand même. Sans déconner, alors tu sais, moi je lui ferais bien un petit cours de Zumba. Bien sûr. Appelle notre auditeur du soir. Ça Hugo. A des perspectives à Karel. Carrément. Ah bah maintenant j'ai l'image de la maman d'Alice qui fait de l'aquagym à poil dans la piscine. Hugo, tu veux des photos? Deux. Bah, de la maman d'Alice. Ah, mais non, attends. Ah, oh, ça dépend. Il n'y a que des vidéos, de toute façon. On fait un point, Hugo. Hugo, t'es où? Bah, là, là, je suis sur la route. D'accord, ok. Mais décidément. Ça n'a pas avancé. Hugo, est-ce que t'as déjà eu un gros moment voilà, où t'as eu la honte, toi? Oh, bah oui, j'habite dans un quartier, donc il y a un coin à l'entrée du quartier où il y a un grand stade avec un petit bois où il y a des grands sièges, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les gradins, voilà. Ouais, ah oui, d'accord, ok. Des grands sièges. C'est pas des grands sièges, c'est des tabourets, mais enfin, vas-y. Ouais, et donc on était posés en pleine soirée avec tous les potos, on devait être une dizaine, quinzaine en tout. Oui. Ouais. On déconne et tout d'un coup, là, j'entends « Hugo, qu'est-ce que tu fous dehors ?» Ça, c'était ton père. Non, ça, c'est... non, c'était ma mère. C'était ma mère. Ah, parce qu'il a une grosse voix. Ah, tiens. Ma mère, elle parle comme un bonhomme. Hein. Hugo. c'est ça ta honte, Hugo. Il ouais, bah, y a de quoi. On s'est foutu de ma gueule pendant plusieurs jours. Ah, ouais, mais on en rigole après. Ah, mais bien sûr. On les aime, nos parents. Hein, mais c'est vrai que des fois, ils sont quand même assez insupportables. Dans un instant, on sera avec Romain, 15 ans de Lille. Salut, Romain. Salut Romain. Salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir Romain, parle bien dans le téléphone, t'appelles pourquoi? Je voudrais poser une question. Pourquoi on dit souvent que les filles sont plus intelligentes que les garçons? Ah oui, ah bah, parce ça, qu'on c'est... constate les choses. Ah, mais... ah non, ouais, je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y a différentes façons d'apprécier l'intelligence. Ah, on va en parler dans un instant. Ça va Romain? Ça va. Bon, tu fais pas de conneries, tu restes avec nous. Hein, ouais. D'accord, tu bouges pas? T'es à l'antenne, là? Ouais, t'es à l'antenne. Il est trop fin. Ça va, Romain? Oh putain, je suis trop content. Eh ben voilà. Eh ben, t'es avec Doc, je m'appelle Karel, oui. Et Alice. Salut. Et on va répondre à ta question dans un instant, d'accord? Ok, merci. Ça, t'as été bien accueilli au standard? Ouais, très bien. Tout va bien? Tu veux un petit truc à boire? Un petit thé? Une pipe? Bon, on va te laisser dormir. On va te laisser dormir. On écoutera The Chainsmokers. Avec Closer. Je fais du souci pour Romain, donnez-lui un truc à boire. J'ai l'impression qu'il va nous faire un petit malaise. Vous bougez pas, jusqu'à 22h, c'est Love in Fun, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. On parle de vos plus gros fails en photo là. Thibaut à la réa, je crois que t'as une histoire toi aussi. Raconte. Bah, moi en fait j'ai voulu envoyer un snap coquin. Ouais, coquin genre à ma nana. Ouais. Et le truc c'est que c'est pas ma nana qui l'a reçu, c'est genre une personne que je voulais pas quoi. C'est qui cette personne? Non, c'était ma mère. Non, en vrai? Ouais, non vraiment ouais. Non mais et ta mère elle a répondu quoi? Bah c'est pas vous. Elle m'a envoyé ses seins. Qu'est-ce qui se passe Anso? Oh, je suis trop contente parce qu'on revient à 22h. Ça marche. Marion et Anso, 22h minuit. The Night Show. Sur Fun Radio. Banzai Noodle de Lustucru, c'est super bon. Pratique, les Banzai Noodles sont faciles à préparer. Versez de l'eau bouillante, attendez 3 minutes et c'est prêt. À peine le temps de crier. Banzai! Pour vous régaler. Bœuf, poulet ou curry, le plus dur c'est de choisir. Banzai Noodle de Lustucru, Banzai que c'est bon. Pour votre santé, évitez de grignoter. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. W9 présente les Marseillais et les Ch'tis versus le reste du monde. Cette année, les règles changent. Les Marseillais et les Ch'tis s'unissent pour affronter le reste du monde. Jamais la télé-réalité n'avait connu un tel événement. La rencontre de toutes les personnalités en un seul lieu et dans un seul but, remporter la coupe. Qui seront les meilleurs? Du lundi au vendredi, les Marseillais et les Ch'tis versus le reste du monde. 18h55 sur W9. Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? jusqu'à 22h. In. Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Jusqu'à 22h, Love in Fun, tous les soirs sur Fun Radio. Encore des messages à lire là. Plein de messages qui sont tombés sur le Facebook de l'émission et le Twitter, hashtag Love in Fun, Alice. Un message de Nassim, tous les soirs, je vous regarde en live sur le site de Fun, c'est terrible, j'ai l'impression d'être dans les studios avec vous. Et un autre message de Noémie, je voudrais trop être l'auditrice du soir. Et ça se passe comment exactement? On reste avec vous pendant 2h? Bah oui, absolument. Comme Hugo qui est avec nous d'ailleurs, c'est notre auditeur du soir. Ça va toujours, Hugo? Bah ça va, et toi? Bah ça va. Arrête, là, il s'est endormi sur son palier. Non mais je rappelle depuis le début de l'émission, Hugo se pose un peu partout. T'es toujours à Bar-le-Duc ou là t'as changé de ville? Ah non, là je suis à Saint-Dizier là. Ah d'accord, Saint-Dizier, d'accord. Et tout va bien? Ah bah oui, tranquille. Ça va. Et ben on va accueillir Thomas avec toi. Il a 21 ans, il est d'Orléans. Bonsoir Thomas. Salut Karen, salut Doc, salut Alice. Bonsoir Thomas, tu nous appelles pour poser une question, ça? Ouais, alors en fait je voulais demander pourquoi quand les filles en fait on les prend en levrette, elles n'aiment pas qu'on leur mette des doigts dans le cul. Oh putain. Non mais franchement, c'est quoi ce mec? T'es un monstre de finesse. Tu généralises en plus. Je vais te poser la question différemment. Pourquoi lorsque t'as une relation sexuelle, tu n'acceptes pas que les filles te mettent un doigt dans le cul? Ah ouais. Ah bah parce qu'elles n'ont jamais essayé. Voilà. T'aimes bien les objets dans première, les fesses? La première qui va essayer, va pas apprécier. Mais bon, il faut. D'accord, je kiffe. Non mais attends. Je vais te dire une chose. Tu veux que je te donne ma réponse? Ouais. Et tiens, c'est très simple. Dans une relation sexuelle, on ne fait pas à quelqu'un quelque chose qu'il n'aime pas. C'est-à-dire qu'on doit être dans l'harmonie. On doit effectivement tester, voir ce qu'elle aime, tout est possible, tous les désirs sont possibles, à condition que ce soit librement consenti, que ce soit un vrai désir. T'as compris? Oui, ça? Mais que ça soit n'importe quelle fille, j'en ai pris, arrête là, sérieux, je te dis un truc, tu fais celui qui comprend pas, tu te fous de moi là. Si une fille n'a pas envie, tu lui fais pas. Si elle a envie, tu lui fais. Tu comprends ça ou pas? Attention, tu vas nous l'énerver. C'est aussi simple que ça. C'est tout dans une relation sexuelle, tu fais pas ce que toi t'as envie de faire, quoi. Ouais, mais quand même, quoi. Thomas. Tu mettrais quand même bien un doigt dans le cul, hein. Ah, mais c'est ça. Alors, Thomas, t'as eu combien de relations, puisque tu me dis que tu les as toutes testées? Mais non, je les ai pas toutes testées, mais tu vois, genre, bon, j'ai pas de meuf fixe, quoi. Donc, sur des sites de rencontres, sur les réseaux sociaux et tout, quoi. Non, mais c'est normal que t'aies pas de meuf fixe si tu leur cherches à mettre un doigt dans les fesses à chaque fois que tu les vois. Elles peuvent en plus ne pas aimer parce que c'est pas forcément agréable. Faut aussi que tu le comprennes, ça. Ah, bien sûr, Alice. Imagine, tu rencontres Thomas, il est en train de faire une levrette et quand tout à coup, il cherche à mettre son doigt dans tes fesses. Comment réagis-tu? Franchement, si c'est pas mon mec, si c'est pas une personne avec qui tu partages régulièrement du temps et que c'est juste un plan cul, je trouve ça un peu intrusif quand même. Un peu, même si c'est ton mec régulier. Dans les relations sexuelles, il y a des choses, tu te laisses aller. Ça, je suis d'accord, tu peux te laisser aller, mais il faudrait pas non plus imaginer qu'une bonne relation sexuelle doit effectivement explorer toutes les possibilités. Et puis surtout, ça sert à quoi de prendre son doigt? Ça va pas te faire du bien, mon gars. En plus, quand ça va ressortir, il va pouvoir le renifler tranquillement. Surprise! Ah ouais, non, mais c'est horrible! Non, mais moi, j'aime juste avoir de la merde sur les doigts. Hein. Allez, Thomas! Mets-les dans ton cul alors! Là, on a un monstre de finesse. Il est malade. Doc, oui, vas-y, Doc. Non, mais il est drôle. Est-ce que Katos, elle aime avoir des doigts dans le cul? Tu retires immédiatement ce que tu as dit. Tu ne manques pas de respect, s'il te plaît. D'abord, je te répondrai que non. Moi, je n'ai pas ce genre de pratique. Mais tu ne manques pas de respect, d'accord? Moi, ce qui me fait marrer, c'est que de plus en plus, tous les auditeurs commencent à parler de Katos. J'adore. En posant des petites questions comme ça et voir ta tête, Doc, à chaque fois, c'est un régal. Oui, à chaque fois, je m'en amuse. Thomas. T'as peut-être des gros doigts et puis c'est tout. Hein. Non mais Thomas, tu nous emmerdes avec ton problème. Là. Qui n'est pas un problème. Fous-les dans ton cul. Hein. Voilà, c'est ça. Tu mets bien profond dans tes fesses et je suis sûr que tu y trouveras la lumière. Salut mon Thomas. Salut mon poteau. Non mais franchement, 01 42 48 5. Il n'a jamais rien fait lui. Ah bah ça c'est sûr. Romain, 15 ans de Lille est avec nous. Bonsoir Romain. Salut Romain. Salut Doc, salut toute l'équipe. Salut à toi Romain. Tu veux poser une question sur l'intelligence, toi? Ouais, je veux savoir pourquoi on dit toujours que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Eh ben, on va en parler dans un instant. On peut peut-être le vérifier aussi, Doc, dans un instant. Je sais pas. On va. Ah, c'est non, mais je sais pas si on peut comme ça. C'est pas une machine, un être humain. Après, The Chainsmokers, on en parle tous ensemble sur Fun Radio. was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your room. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. On va parler d'intelligence. C'est Romain qui est avec nous, 15 ans, du côté de Lille. T'es là, Romain? Ouais, je suis là. Tu veux savoir quoi, toi, Romain? Ben, je voulais savoir pourquoi on disait toujours que les filles étaient plus intelligentes que les garçons. Oui. Ouais, c'est une question. Ça dépend ce que tu entends par intelligence. Intelligence, c'est quoi? C'est réussir dans les études, c'est réussir dans la vie. Il y a beaucoup de facteurs. Alors, on peut mesurer ce qu'on appelle le quotient intellectuel, bien évidemment. Le QI. C'est une façon, le QI, bon voilà, à un temps donné. Et en fait, ce QI, il est à un instant T. Mais sur. C'est pas le QI que tu as peut-être 2 heures après ou que tu avais la veille. Donc, déjà, il y a ça. Alors, c'est une évaluation. Bon, ça, c'est sûr. Moi, mais je alors, pense que les filles peuvent être plus précoces et, en tout cas, peut-être plus sérieuses dans certains cas, qui fait que l'apprentissage est mieux. Parce que, franchement, les tests de QI, enfin, on a tous essayé des tests de QI, ils te demandent de résoudre des problèmes, quoi, de trouver des suites logiques, des choses comme ça. En quoi ça te rend plus intelligent que les autres? Parce que ça dépend ce qu'on fait de l'intelligence. Être intelligent, c'est réagir à une émotion, avoir une bonne réaction. C'est le quotient émotionnel qui a la capacité, en gros, de s'adapter à des situations données. Et les gens qui, là, sont plus performants et plus intelligents que d'autres. Et puis, il y a le quotient intellectuel qui consiste effectivement à faire un certain nombre d'opérations, de logique, de suite logique, qui fait que, voilà, bon,